Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Merde à la fin, Adrien. Bonjour, bonsoir et bienvenue. J'en ai marre, moi. J'en ai déjà marre. Bonjour. Dans ce nouvel épisode du Floodcast, comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va. J'ai fini mon travail là. Je suis détendu, même trop. J'ai un coup de barre. Pour être honnête, j'ai un coup de barre. J'ai mangé là juste avant. Je sais pas ce que sont les journées d'Adrien. J'aimerais trop faire un jour un stage d'observation. Viens à la maison. Franchement, c'est assez. Ça dépend des jours. L'émission nulle. Échangez-vous boulot, mais en vrai, vous êtes deux auteurs quoi. On se plaint de ce qu'on fait un peu. Non, je sais pas. Non, je te permets pas de dire ça. Non, désolé, il y a une petite connivence que t'as essayé de créer. C'est fou le début. Plein ce que tu viens de dire. Et au moment du COD, on s'est perdu. Donc c'est les vacs un peu pour toi là, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, c'est le week-end. C'est le week-end, putain, bon délire. Comme la... Eh oui, bon tu viens de me le gâcher en disant ça. J'hésite entre bon délire et pur délire. Je savais pas dans lequel. Je préfère pur délire, je crois. Ok. Bon délire, déjà, il y a un problème. Alors comme à chaque émission, nous sommes accompagnés de deux invités. Alors, nos invités d'aujourd'hui, je vous préviens, j'avais écrit 155 blagues sur chacun pour le rose de McFly Kaido. Je n'ai plus rien. Ah oui, je suis à sec. Donc, je peux quand même dire que notre premier invité est humoriste et vidéaste, que la tournée de son spectacle sobrement intitulée Bien a été complète, absolument partout. Ouais. Il reste quelques mini places au Zénith de Lille, mais en plus sur des straps pourtant. Voilà, Vous verrez rien. Mais bon, si vous voulez, il y a quand même encore quelques places, quelques rares places. Vous avez 50 balles à perdre. Allez. Et vu que j'avais plus trop d'idées pour le présenter, je suis allé sur le site de sa prod, la prod de son spectacle, ouais, qui fait sa biographie. Et je me suis rendu compte que eux non plus n'avaient pas trop d'idées. Parce que j'aurais voulu la lire. C'est vrai. C'est vraiment bien. Il livre une performance exceptionnelle. Point. Il enchaîne les sketchs avec une énergie débordante, faisant rire aux éclats un public conquis d'avance. Ce qui est déjà pas conquis très sympa. D'avance, c'est horrible. Ce qui est déjà pas très sympa, c'est que tu les chopes pas, ils sont conquis d'avance. C'est tristement vrai. Pourquoi dire, pourquoi préciser conquis d'avance, c'est horrible. Les applaudissements, on a pas aimé le spectacle, mais heureusement, on était conquis d'avance. C'est comme s'ils écrivaient, il les fait rire aux éclats, virgule, mais bon. Mais bon. Les applaudissements et les rires résonnent dans les salles. Point. C'est ChatGPT qui a écrit. Mais justement, ChatGPT a dit je me dédouane. Je fais mieux. C'est pas moi. Les critiques adorent. Point d'exclamation. Les médias saluent son spectacle. Personne n'est venu. Aucun média n'est venu. Tu vas voir. Les médias saluent son spectacle, louant son écriture brillante et ses sujets originaux. Et ça s'arrête comme ça. Mais en plus, c'est Marguerite Duras, quoi. C'est des phrases de trois mots et un point. Oui, c'est fou, hein. C'est parce que ça devait être envoyé aux gens par Telegram, je crois. C'est pour ça qu'à la base. C'est le site sur mesure. Enfin, ça, c'est ta prod. C'est ma prod. Voilà. Enfin, c'était ma prod, du coup. Il s'intéresse pas à mon travail du tout. Voilà. En tout cas, je vous invite à aller voir mes photos sur le site de mon agence. Tout bonnement des photos Facebook d'il y a 10 ans. C'est vrai. Toi aussi, t'as des gens qui. Enfin, qui te produisent, qui prennent de ton argent. Après, alors déjà, j'ai pas énormément de photos. Ou t'es stylé? Ouais. J'en vois à chaque jour. Bah moi j'ai pas énormément de spectacles. C'est plus honteux pour toi. Enfin, pour eux, je veux dire. Parce que là, ils pourraient juste faire un effort pour écrire un truc. Mais... un peu plus. Non, mais après, j'ai un peu fouillé dans les tréfonds du site, attention. Hein. Mais ça change rien. Moi, je passe un coup de fil après. C'est scandaleux ce que je vois là. Je viens de casser une belle relation d'amis de travail. Il va taper du poing sur la table. Oui. Il essaie, là, c'est pas très radiophonique, mais il fait un tour de magie. Actuellement, il essaie de s'enlever. Il essaie d'enlever son pull. Avec devant mon tour de magie, les rires résonnent dans la salle ou pas? En tout cas, vous l'avez reconnu avec une présentation aussi précise. C'est Thomas Dezer. Oui. Du coup, il peut pas applaudir, il a les bras dans son pull. C'est vrai qu'il fait un gag visuel qui est très peu adapté au podcast. Je vais donc vous le décrire en une vingtaine de minutes. Il a mis ses mains sous son sweat, il applaudit sous son sweat et franchement, on a ri. Là, il essaie d'enlever son sweat en gardant son casque. Et c'est impossible. Tente-le. Est-ce que, genre, même Sylvain Mirouf apparaît? Je suis à deux doigts d'appeler Patrick Sébastien pour qu'il te présente. Allez, ouais, dans la chance qu'on a. Il est tout enlevé. On peut faire ça avant. Il voulait pas qu'on voit qu'il était un peu dégarni, je crois. Il a gardé absolument le casque. C'est un début de calvitie, c'est pareil. C'est notre deuxième invité fête les 12 ans de sa chaîne YouTube. Pareil, j'avais pas d'idée, alors j'ai demandé à ChatGPT directement. Peux-tu me faire un résultat similaire? Super, stop, drôle, stop. Peux-tu me faire une présentation rapide et hilarante du youtubeur Amixem? Je veux que les auditeurs dégueulent de rire et qu'Amixem lui-même se lève et applaudisse doucement en disant que mon père n'a pas tout raté avec moi. Alors voilà, Amixem, c'est le viking youtubeur le plus barré de France. Quoi? Le viking youtubeur? T'es un viking youtubeur, mon pote. Vous avez fait des trucs sur des bateaux un peu. C'est ça, les vtubeurs, c'est les viking youtubeurs? Imaginez un géant barbu qui teste des gadgets absurdes. Ok. D'accord. C'est Ragnar le Breton. Se lance dans des défis débiles et transforme chaque seconde en chaos total. En pur délire. Ce mec crie tellement fort que même ta voisine, elle en a des acouphènes. Waouh, wow, c'est tellement ringard. Accompagné de sa bande de potes complètement zinzin, ah, il transforme des idées stupides en masterclass de what the fuck. Non, il a pas dit ça. C'est oh, quelle horreur. Que ce soit pour faire exploser un grille-pain ou chavirer un bateau gonflable, on est sûr d'en sortir plié en deux. Ou inquiet pour la santé mentale de notre invité. C'est Amixem. Waouh. Mon père n'a pas tout raté avec moi. Mais t'as jamais, t'as fait énormément de trucs débiles, mais le grippin et le bateau, jamais c'est arrivé. Non, j'ai pas compris, j'ai pas les références de moi-même. C'est ouf. Merci les gars d'être venus, ça fait longtemps qu'on voulait vous inviter, on est trop contents. Heureux, nous aussi, on est trop heureux de vous recevoir. Maxime a carrément fait un aller-retour pour venir, ça fait très plaisir. Et il se déplace rarement pour aussi peu d'argent. Oh ouais. Tu veux dire zéro, parce qu'il y a rien. Ah bah, ouais. Le train était payé quand même. Le train était payé. J'ai mis les petits plats dans les grands, j'ai pris la première. Ah ouais, mais voiture 4, par contre, j'étais au bout. Voiture 4, quand j'ai commandé mon petit café, mon petit repas, j'ai dit vous mettez ça sur la note de Flaubert. Ah oui, bien sûr, il a eu bien raison. Et j'aime bien parce que la personne qui travaille avec vous a dit pas de carré. Je fais ah, il y a des petites exigences. Il y a des petites exigences, ils aiment pas être dans des carrés. J'étais dans un carré. Et c'est là où je voulais en venir, il y avait plus trop de place sur ton train. Donc je t'ai mis dans un carré, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà. Non, mais c'est vrai que je suis exigeant. Mais je comprends. Et on partage ça, non mais les carrés c'est un enfer. Bah, on parle tout de suite des sujets qui fâchent ou alors on les garde pour après. Non, mais bien sûr. C'est les grandes gueules. Mais c'est un enfer, mais moi depuis que j'ai un enfant, je suis une famille de trois. Ah, pareil, c'est extraordinaire. Donc je suis le créateur de... Mais de... tu vas en première classe avec ton enfant? Oui. T'es une merde. Non, elle est excellente. Elle est malheureusement excellente. Je suis complètement client de ce gars. Toi aussi, non, mais bien sûr. Mais quand t'es trois, c'est terrible. Quand t'es trois, tu fais beaucoup de mal à quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. T'es en train de dire qu'il y a que les pauvres qui méritent de se faire gâcher leur trajet. C'est exactement ce que je disais. Non, mais très bien. Je sais pas pourquoi, faut redire ce que j'ai dit. Non, ouais, pardon. J'ai juste paraphrasé, je suis désolé. Moi, j'ai fait un deuxième gosse pour remplir les carrés, je vous le dis. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est la config parfaite. Mais c'est drôle parce que souvent, les gens seuls dans des carrés, c'est. Je suis jamais tombé sur autre chose que des gens qui travaillent. Enfin, tu sais, des gens qui viennent avec un ordi portable et parce tout. Parce qu'on voyage en première. Bah voilà. Et donc, tu sais, pas les prolétaires. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai toujours un vrai plaisir à avoir leur regard inquiet. Et vu que ma fille elle est chômée, bah en vrai, ils ont pas de problème avec moi. Et est-ce que tu regardes, enfin moi je fais ça, ce qu'il y a sur leur ordi, leur mail et tout, pour voir à quel point leur vie est nulle. J'ai commencé à faire ça. Ça m'arrive. Et vous aimez bien? Ah bah, oh là là, bah, je peux te dire le chiffre d'affaires de la ville de Melun. C'était avec toi au salon. Oui, oh oui. Là là. On a plein d'anecdotes, bestie. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on préfère. Hein, donc, on était au salon voyageur SNCF. Ouais. C'était quoi déjà? Y a quelqu'un un qui parlait très fort sur le budget du tramway d'une ville très secondaire. Mais je peux vous dire qu'on a tous les détails. Je peux refaire les slides de tête. Mais oui, c'est ça. Le gars n'avait aucune discrétion sur des trucs très très confidentiels. Et il y avait un mini scandale dans la ville sur qui avait magouillé quoi pour obtenir le tramway. Quoi. Oh, donc nous là, on a appelé Mediapart. Ipso instant. Et on a juste comment on bloque un numéro déjà sur iPhone. Ne me rappelez plus jamais. Mais moi, je pense souvent aux chauffeurs de taxi dans les festivals ou les trucs comme ça. La dernière fois, parce que j'étais à un festival de cinéma ce week-end et je parlais un peu avec le chauffeur et le chauffeur de lui-même a tout de suite commencé à me répéter des trucs qu'il avait entendu de gens qui étaient derrière lui. Tout de suite. Bien sûr. Dit, les gens seront pas peur. Vous pouvez tout me dire, je suis une tombe. Alors, c'est qui les connards? Mais j'ai ce truc moi là, à chaque fois que tu vois, mais ça arrive sur n'importe quel événement, mais à chaque fois que moi j'arrive dans une salle de spectacle, le directeur, etc., et ben t'es obligé d'être sur sympa et de presque surjouer la sympathie parce que ça fait deux minutes que t'es avec lui et il te fait la liste des gars pas sympas. Ouais, t'as peur de te retrouver dans cette liste, tu vois. Tu vas y finir. Avec Raphaël Quenard, Didier Bourdon et Ramoucho du Big Deal. C'est les notables, hein. Ouais, elle est connue. Ouais. Là, t'apprends rien aux gens, on les voit. On clash plus personne, là. J'ai dit les trois premiers noms qui me venaient. Mais pourquoi c'est eux? Je sais pas. Chers amis, comme à l'accoutumée, nous allons faire le jeu du Floodcast. Alors, j'aimerais commencer par. Une petite parce que c'est une série Netflix ce podcast, vous le savez. Wow. On avait parlé d'une ville en Meurthe-et-Moselle qui s'appelle Olay, où les habitants devaient choisir leur comment on appelle ça, leur gentilé. Gentilé, ouais. Leur oui, gentilé, donc saison 4 épisode 17, mais oui. Voilà, merci. Il est fan. Et parce qu'ils s'appelaient les culs brûlés, c'était, ils se faisaient surnommer les culs brûlés, ils devaient changer leur gentilé à votre donc ils ont fait un vote pour avoir un nouveau nom et ils s'appellent maintenant les culs brûlés. C'est passé après 10 ans, on va garder ce nom officiellement. Merde. Alors, ce que j'avais pas trop noté, c'est que c'est vraiment un tout petit village, parce qu'il y a eu 89 votants. Mm-hmm. Ah oui. Et donc 42 voix pour les culs brûlés et 25 voix pour la deuxième proposition, les Olésiens. Mm-hmm. Donc, qui n'est pas non plus une victoire écrasante. Non. Mais voilà, les habitants de l'Est. Qui a un impact. Définitivement, les culs brûlés. Et quelle est la question? C'est pas une question. C'est pas une question. Non, c'est une info. Non, mais je vois que t'es très game. Je vois que t'es tout de suite. J'aime ça. Les habitants d'Angers, c'est quoi d'ailleurs leur nom? Les Angevins. J'ai une petite anecdote rapide sur Argentillé. Je prends. Les habitants de Champigny, commune à côté d'Angers, s'appelle, si vous le devinez, je m'engage à investir dans ce podcast pour que vous puissiez changer vos micros. Tu pouvais pas plus me motiver. Champigné. Alors, les champignons? Non. Ouais. Les champiflards? Non. Attends, non, les. C'est moi qui invente les jeux alors que je te nique ton truc. J'adore. Les champiviandes? Les champipi? Non, il a dit pipi. On a le droit de poser des questions ou alors il faut deviner comme ça. Je nique pas votre truc. Tu peux me poser des questions, tu rigoles. Est-ce que ça a un rapport avec les champignons, le nom? Non. Non. Le champagne? Non, non, non. Est-ce que ça. Les champisseurs? C'est malheureusement indévinable. Hein, est-ce que c'est vulgaire? Non. Est-ce qu'il y a aucune lettre en commun? Ça m'intéresse beaucoup moins. Est-ce qu'il y a aucun rapport? Aucun, ouais, genre les Égyptiens. Là, comme ça, venez. Les Égyptiens. Les Parisiens. Ça aurait été drôle, ça. C'est comme ça, venez, je vois deux lettres en commun. Bon, vous ah ouais. C'est les Campignacusiens. Oh, oh oui, oh, impossible à finir. Ouais, effectivement. J'avais très peu envie d'investir dans cette émission. C'est vrai. Alors là, on va faire le jeu, Thomas. C'est bon. Tu peux te mettre en mode game. Yes. Tu peux remettre ton pull ou enlever ton t-shirt. Comme tu, tu peux retourner ta casquette comme Sacha de Pikachu. J'aimerais commencer. Alors, Charles O'Neill, est-ce que vous voyez qui c'est? Qui? Charles O'Neill. O'Rear, pardon. Charles O'Rear. C'est Charles un photographe. Non. Je vous le dis, il est pas connu. Ah, mais c'est O'Rear. O'Rear, un Irlandais un peu, quoi. C'est un. C'était genre O'Rear. Il aime bien rigoler. On demande qu'à O'Rear. Ouais, voilà. Alors non, c'est Charles O'Rear. Il est photographe. Et une de ses photos est culte, à votre avis? C'est une photo de quoi? De Trump. Pas une photo de Trump. Un oiseau? Pas un oiseau. Alors, on a le droit pas... d'avoir sa nationalité au type. Je suis un peu fatigué, du coup. Très précis d'un coup. Ça il fait est pas américain. Avancer. Il est américain. Il est américain et en fait, sa photo, elle est pas dans l'actu chaude. Une célébrité? Alors, il n'a pas pris en photo une célébrité. Mais c'est un rapport avec une célébrité? Pas une photo de guerre? Pas une photo de guerre. Un paysage? C'est un paysage. D'accord. Ah, c'est la photo du fond d'écran de Windows XP. Ah putain, oh, oui, il est fort. Il est très fort. La photo, c'est pas l'émission ensemble, c'est enfin il y a un truc aussi. La photo s'appelle. Je peux l'avouer maintenant, j'ai toutes les réponses depuis 10 ans. Ah, j'ai peur que ça cache le rapport des gens à l'émission. C'est pas grave, écoute, faut. J'ai bien aimé quand tu faisais semblant de chercher. J'en ai marre de jouer en fait. Non, en fait, tu fais super marre de semblant de chercher, t'étais comme ça la tête en arrière. Mince. Alors. Alors la photo s'appelle Bliss, si vous voulez briller auprès de vos amis. Qui veut dire bonheur extrême en anglais. Exactement. Chanson de Muse, Origin of Symmetry, piste 7. Moi j'aime bien. Alors, et pourquoi, à votre avis, cette photo est dans l'actu dans ce moment? Parce que ça ne ressemble plus à ça. Alors, ça c'est sûr, avec la planète qui prend une sale. Tu m'étonnes. T'écoutes. Parce qu'elle est tombée dans le domaine public? Elle n'est pas tombée dans le domaine public. Ça ne concerne pas la photo en elle-même. On est autour plutôt de Microsoft. Ça concerne la photo, mais c'est pas par rapport à ce qu'il y a dans la photo. Il y a pas photo, un centre commercial avec des toboggans qui s'est construit sur la colline de gauche. C'est ça que tu veux dire. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est une histoire d'argent, non? C'est pas une histoire d'argent. Donc c'est par rapport à Microsoft. Oui. C'est un rapport avec l'IA? Pas l'IA. Putain, en fait, j'ai vu cette info, j'en suis sûr, il y a quelques semaines. Elle est pas si fraîche, on est d'accord. Elle est pas si fraîche. Est-ce qu'ils ont fait un NFT sur un autre ton, mais oui. Je change de ton, je change de fréquence. Est-ce qu'ils en ont fait un NFT? Ils n'en ont pas fait un NFT. Ça mériterait. Ouais. Là, ils pourraient se faire de la thune. Ils l'ont exposé dans un musée. Ils ne l'ont pas exposé dans un musée. Dans leurs locaux. Ils ont pas dans leurs locaux. Mais ils sont face à un problème, c'est ça qu'on cherche là. Ah, il y a un problème. Ils sont embêtés, les fils. Ils sont pas embêtés, c'est juste. T'allais dire les fils de pute. J'ai voulu dire les types. Ah, okay. Mais comme c'est une entreprise familiale, je me suis dit Microsoft et fils. Comment vous aider sans vous en dire trop? Ils ont vendu l'original, non? Ils n'ont pas vendu l'original. Ils l'ont retrouvé? En fait. Est-ce qu'ils ont versé les droits d'auteur au mec et maintenant il est milliardaire? Mais oui, c'est ça, revenons sur le gars en fait. Alors. C'est peut-être vrai qu'il est milliardaire grâce à ses photos, mais c'est pas ça qu'il est mort. Recherche. Il est pas mort. Attends, mais c'est un rapport avec le gars? Non. Ah, non. On s'en tape du gars au rire. Ils ont fait crédit quand même. Voilà. On crédite introduit par ce gars et en fait on s'en fout. Quoi. Et on le salue. On le salue quand même. Ils ont fait la course du fromage là où on jette un fromage, on court après sur cette pente. Non. Toutes les pentes du monde sont enduites de tradition. En fait, ça vaudrait pas le coup d'en parler dans cette émission. Si c'était ça la réponse. Non. Ils ont fait la course au fromage dessus. Oh là, tout vaudrait le coup d'en parler dans cette émission. Après 10 ans, mon pauvre. C'est vrai. Mais en fait, je vais vous donner un petit indice. Cette photo était encore disponible. sur Microsoft. Vous pouviez avoir cette photo sur le fond d'écran. Même sur Windows Vista. Quand on est jeune. Exactement. Pour les plus jeunes qui nous écoutent. Okay. Ça pouvait être. Voilà, vous pouviez l'avoir. C'est XP, celle-là, c'est... on est d'accord. Ouais, c'est XP. Ouais, c'est XP, c'est XP. Mais elle était encore Vista, disponible, vous pouviez l'avoir. Qu'est-ce que je trouvais ça stylé, putain, la barre bleue, le démarré vert et la colline, quoi. J'étais en mode, là, c'est la pointe de la technologie. Ouais. Moi, je m'étais remis cette photo là récemment en fond d'écran. Bien sûr. Et comme j'ai un double écran, avec l'IA, j'avais fait la suite sur le deuxième écran. Quel génie! Ta vie n'est qu'aventure. Je suis taré. En fait. Faut que tu te calmes. Hein. Non, mais pardon. Je vais tenir la nuque en fait. Pardon. Ouais, là, t'es complètement dingue. J'arrête. J'arrête à partir de maintenant. Avec lui, enfin, bref. Mais c'est une très bonne idée. Bah oui, moi je me moque alors que je trouve ça génial. Et j'avais fait, parce que je suis un peu cynique, j'avais fait une montagne pleine de déchets, de détritus. Ah ouais, genre. La planète, c'est les backstage. Excuse-moi, t'écrivais anarchie sur ta trousse. Oh, non, c'est ça. Non, j'ai bien l'impression. Alors, Tipex. Je vais vous donner la réponse. Je comprends. Pardon. Eh non, je voulais tester. Hey, tu sais que j'ai reçu beaucoup de DM pour me dire non, mais t'as raison de dire à Florent de pas donner la réponse. Ah ouais. Ouais, mais là on est bien. Ok. Excusez-moi. On s'est déplacé. On s'est fait payer le train. Il faut qu'on trouve. Attends. Je donne la réponse. C'est Campignacucien. Non, c'est l'autre question. T'as un cran d'écart. En fait, je pense que l'idée c'est que actuellement sur le Windows qui sort là, on ne peut plus choisir ce fond d'écran. C'est la première fois que ça arrive. Alors, c'est une partie de la réponse. Ah. Mais du coup, il va y avoir quoi? Le paysage aujourd'hui. En gros, vous y êtes presque, c'est pas vraiment ça, mais il va y avoir un concours. Ah, pour remplacer. Ah, le nouveau fond d'écran par défaut de Windows. C'est ça, c'est-à-dire que Microsoft a lancé. C'est déjà plus le fond d'écran par défaut. Ouais. Oui, mais ils ont décidé de revenir. Arrête du coup. Ouais, tu sais quoi, je te présente toutes mes excuses. En fait, c'est pas les têtes d'Adrien, mais il joue trop bien. Il a fait trop bien, le gars. Il y avait un froid, mais il l'arrête tout de suite. Ça, c'est trop beau à voir. Si des réalisateurs écoutent, je joue trop bien. Je l'ai recruté sur un podcast. Pour info. Pour voir, incroyable. Il n'y avait plus trop de paysages. Et donc Microsoft renoue avec ses origines, j'ai envie de dire, en proposant des paysages. Ils ont demandé, en gros, ils ont lancé un défi à 7 photographes pour capturer l'image qui pourrait succéder au célèbre fond d'écran Blizz de Windows. Ce cliché de colline verdoyante sous un ciel bleu est devenu l'un des fonds d'écran les plus emblématiques au monde. Aujourd'hui, Microsoft souhaite recréer cette magie en sélectionnant des paysages représentatifs des beautés naturelles de divers pays. Hein? Une erreur, je pense. Tu penses? Ça fait trop réchauffer, ils auraient dû faire un truc complètement différent. Après, j'ai vu un peu les photos, ça a un peu rien à voir. Ouais, mais tu vois, une, je sais pas, une photo de la galaxie, tu vois, un truc un peu complètement. Mais toi, tu prends la. Déjà, ouais. Bah, enfin, c'était. Te draguer un peu. Je sais que t'adores l'espace et tout. Oui, il adore ça en plus, c'est vrai. Ouais, non, mais disons qu'une galaxie, c'était l'OS Apple d'il y a 12 ans, je pense. Enfin, il y a eu, ouais. Ah, j'en étais très fier d'ailleurs. Non, mais vous restez bloqué des fois sur l'Apple TV quand elle se met en veille. Vous voyez, je vous avais la ref ou pas? Moi, j'ai pas l'Apple TV. J'ai pas l'Apple TV. Alors, en fait, quand elle se met en veille, il y a des plans de drones absolument extraordinaires qui défilent. Ah oui, oui. Et toi, t'es dans un moment où. Manifestement, t'as arrêté de regarder la télé puisqu'elle s'est mise en veille. Ouais. Et tu bloques sur un fond d'écran. Et tu la regardes parce que c'est moi, ma vie, juste le contemplatif me suffit. Ouais. Pas ouais, de scénario, pas de dialogue, contemplatif, ça me suffit. Tu vois ce que je veux dire? Un jeu vidéo, c'est pareil. Donc je bloque pendant un quart d'heure dessus. Mais t'as des télés qui maintenant recréent le grain de tableau. Et en gros, des gens font ça chez eux. Il a ça chez lui, lui. Toi, t'as ça. Évidemment. Il a la télé fixée au mur avec les fils cachés. Oui, exact. Bah, bien sûr. J'allais faire la même blague. Moi, j'étais à ma vie de rêve. Je te jure, j'étais chez lui et je fais, mais mec, t'as pas de télé, c'est ouf et tout. Il me fait, non, elle est là. Je fais, putain, mais où Greg Guillotin, où sont les caméras? Je n'avais rien vu. Il y avait Greg Guillotin aussi. Pourtant, j'ai gardé le meuble télé. Et je me dis, les gens acceptent le fait, sachez-le, parce que c'est peut-être utile pour les gens. Si vous mettez un meuble télé sans télé, ça ne choque personne. Oui, ah oui. Moi, j'étais pas choqué. Ça fait un meuble. Ouais, mais tu vois, il a cette caractéristique, ce côté, il y en a un derrière nous. Ouais. Il est un peu long et un peu inexistant sans télé finalement. Celui-là, particulièrement parce que je l'ai récupéré dans la rue. Donc c'est vous dire. Ouais. Ça ne se voit pas. Et écoutez, il est ça, Maxime le fait très peu, ça. Il récupère vraiment des meubles de Jean-Luc Delarue vendus aux enchères. Mais. C'est tout. Donc Whitney Wolf. Non mais avec ta plume et mon jeu, on pourrait conquérir. Bah c'est votre prochain podcast quoi. Ta plume et mon jeu. Ta plume et mon jeu. Bah ouais. On a déjà écrit un truc vraiment pour toi. Bah moi dans le Leroy. Enfin non parce que c'était pas le rôle que je devais avoir au départ. Ah tu veux dire quand ça devait être à toi, c'est déjà écrit. On l'a écrit. Oui, et après on l'a écrit ensemble. Et après t'as mis ta patte. Le rôle de Charlotte Gainsbourg, je l'ai lu. C'est José Garcia qui a pas voulu. Non, en revanche, petite anecdote. Je sais pas si. Enfin, il a. Il y a. Un jour, j'ai un réalisateur qui m'a appelé. Il m'a dit : je réalise mon premier film là. Alors, c'est pas lui qui l'avait écrit, mais il m'a dit : je réalise mon premier long métrage. Je veux que tu sois dans le film. Donc, passe le casting. Je passe le casting, j'ai pas le rôle. donc c'est terrible parce que c'est normalement le réal quand même a une grosse décision. Et ils ont dit non, ça va pas, mais on va te faire passer un casting pour un autre rôle. Je l'ai pas eu non plus. Donc, voilà, même quand le réalisateur dit je te veux dans mon film, tu peux rater deux fois. C'est dur. Voilà. En fait, j'essaye de trouver un truc positif. Non. Il y a rien. Le truc positif, c'est que c'est toujours bien de passer les castings parce que les gens te voient. Après, ouais. Ils te voient rater deux fois. Donc, non, mais la phrase, je l'ai écrit pour toi, suivie de. Non, il a pas écrit pour moi. Il a pas écrit pour moi parce que c'est pas lui qui l'avait écrit, mais il a dit. Non, j'exagère. Je veux que tu sois dedans. Et il avait dit après. La décision ne me revient pas entièrement. Ouais. Et effectivement, j'en ai eu la preuve. Vraiment, les producteurs ont fait. C'est les actionnaires, il y a les actionnaires, évidemment. Bah, moi, tu me donnes envie d'écrire pour toi. Allez, mais n'hésitez pas. Hein. Les gens. Il y a quelque chose qui se passe. Hein, les gens m'en parlent. Langage non verbal, il y a un truc fou qui se passe. Les gens, quand je les vois, quand je fais des trucs autour des Leroy ou des, voilà, quand, pour, des trucs de cinéma, ils me disent : mais quand est-ce que. Adrien, tu lui mets un premier rôle et tout. Oh, t'es bien gentil avec José Garcia, connard. Mais tu fais. Et j'ai dit : mais. Quand il sera connu. Non, j'ai dit. Moi, j'ai envie de voir aussi le film d'Adrien, enfin avec Adrien, écrit par Adrien. C'est ça aussi qui est le bonheur. C'est réalisé façon... par moi, avec moi en premier rôle. Non, mais une façon polie de se dire, mais qu'il se démerde. Non, parce que moi, mon rêve, c'est qu'il soit dans tout ce que je fais. Mais un truc premier rôle, c'est assez du c'est... coup accessible. Il suffit de me mettre dans tout ce que tu fais. Mais, c'est... Oui, mais faut que tu dises oui. Oui, bah, je dis oui. Oui mais je vais dire non à des rôles. J'ai une question pour Adrien Méniel, alors wow. Sur ma droite. Je voulais savoir, parce que moi j'étais à la VP de Noulet-le-Roi à Paris. Oui. C'est vrai. Et au moment où t'es à ta scène, qui est vachement drôle. Tout le monde éclate de rire, a presque eu des applauses. J'en ai presque plus. Il va te enlever presque. Il va te enlever presque. C'est pas presque, il y en a eu. Juste une standing en fait. Je me souviens des, que. Des applaudissements avait... en plein milieu du film. Ça n'arrive jamais. C'était fou. Il y avait des rires qui résonnaient dans la salle. C'est quoi la suite de ma description? Là, le public n'était pas acquis d'avance. Je peux faire une partie quand même. Une bonne partie. Non, j'ai vu Patrick Bouchité d'ailleurs qui était juste derrière moi. Patrick Bouchité. Et pourquoi? Alors, par la blague, Patrick Bouchité, alors je sais pas si tout le monde. À la rêve, c'est celui qui faisait la vie privée des animaux, ouais. Donc il disait bah, je suis un macaque. Et alors, on mes couilles. Bon, le curé dans le dos. Il joue aussi le prêtre dans La vie étonnante de Franck. Bien sûr, non, mais il a joué dans. Lune froide. Il a joué surtout, putain, dans ce super film avec Patrick Devers, dont j'ai oublié le titre, malheureusement. Tu vois lequel je parle. Série noire. Il y a Michel Blanc aussi. Bon, je le trouve plus. Je retrouverai. La meilleure façon de marcher. Ouais. Voilà, bref. Peut-être pas la meilleure, mais c'est une des meilleures. Non, à l'époque, c'était la meilleure. Ah, c'est vite, on en a eu d'autres depuis. Oui. La technologie a fait que. Il y a eu Moonwalk, enfin, il y a eu beaucoup. La question qui en suit, oui, ce propos préliminaire, c'est que. Au moment de ces applauses, des rires et tout, la salle qui se lève, etc. J'avais une érection, oui. Voilà. Toi qui es un être de tristesse parfois, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es fait « Ouais, putain, j'aime trop ce qui se passe » ou est-ce que tu t'en fous? Non, je peux pas dire que je m'en fous parce que... Mais c'est plus de la satisfaction de « j'ai bien fait mon travail » que de « ouais, on m'acclame » quoi. Ouais, c'est mais plus ce génial. Bah, si les gens applaudissent, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Mais après, j'ai pas un truc de genre ouais, « on m'aime », machin. Ça, je m'en fous, j'avoue. Parce que c'était un beau moment, je trouve, moi, vu de l'extérieur, tu vois. Mais c'est clair. Je peux jouer avec vous. On l'a montré. Je t'avais invité à Angers, t'étais malheureusement pas dispo. Je sais. On était venu, à l'avant-première, l'emmener à Angers, le film. J'étais trop vieux, peut-être, du coup, pour rester chez moi. C'est peut-être ça le critère. Mais dès l'Alpe d'Huez, c'était bien passé. Mais cela dit, tu touches du doigt quelque chose que j'ai envie de vous poser comme question également. Est-ce que vous, comment vous réagissez, Isaïsa? Toi, Thomas, tu fais de la scène. Est-ce que t'as ce truc de travail bien fait ou est-ce que quand même tu dis ah putain, ça me. Bah non, moi j'en ai besoin quand même pour me sentir bien. Je peux faire premier degré assez rapide, mais vas-y, en gros, vas-y. C'est que moi je me dis là que je vais me réveiller dans quelques années et me dire putain, j'ai pas assez profité de tout ça. Et moi, c'est un peu l'inverse que ça me fait. Je sais pas si elle fait beaucoup d'humoristes, mais vu que les gens ils me voient faire des blagues sur la chaîne de Maxime et qu'ils s'accrochent à cet humour là et qu'ils ont très peu d'infos sur ce que je vais faire sur scène. Moi, quand j'arrive public sur déjà scène, conquis. Public, non, mais c'est vrai, public trop content de me voir. Et après, il faut que je les convainc avec un spectacle d'une heure et demie. C'est pas et évident. Moi, ça m'angoisse de fou, quoi. J'ai la peur de pas faire, de les décevoir. Parce qu'en fait, il y a quoi comme autre scénario à part confirmer qu'ils m'aiment bien ou les décevoir. Ouais. Et du coup, le risque de les décevoir, ils me tétanisent. Donc en fait, non, moi, j'ai pas le truc de l'amour et tout. Mais moi, je suis vraiment pas là pour ça, pour le coup. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est plus ça. Bah ouais, après, c'est... Moi, j'ai bien des trucs malsains, hein. J'en ai plein d'autres. ça va, je suis sain là-dessus, je pense. Ouais, Thomas est très transparent sur les choses malsaines qu'il y a dans sa tête. Du coup, quand il dit... je m'en fous de l'amour des gens, c'est vraiment vrai. Je veux dire, En fait, ça me fait plaisir de, tu sais, moi, y a, tu vois, je veux dire, ça a pu arriver à des moments avec votre podcast, à des époques de j'écoute, j'ai plein de contenus comme ça que j'aime, qui me font du bien, et donc je sais que pour les gens, Maxime et moi, on est ça pour les gens. Mmh. Et moi, j'adore être ça pour les gens. Pareil, d'être un ça pour qui le fait coup, du bien. Pareil. Quoi, voilà. Ouais. Mais encore ça, une fois, c'est plus un truc de rendre service. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc de oh, tous ces gens qui m'aiment. Ah non, ouais, c'est, non, c'est non, vraiment non, un truc de. Non, non. Puis surtout, ils nous aimeront plus, les gens, à un moment. Ça, ah oui, ça moi, je l'ai dans la tête tout le temps. Bah, oui, et oui. Je vais devenir. Ouais. Je veux dire, ce gars que tout le monde a aimé. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ce nom-là. Oh, t'inquiète, bleu, c'est Bibi bleu. Ah, mais je pense parce que c'est un énorme ringard. Je pense. J'imagine que c'est pour ça. Ça a dû avoir un lien dans ta tête, en tout cas. C'est horrible. Toi, Maxime, c'est quoi ton rapport avec les gens qui suivent ce que tu fais et tout? Il y a des God Michel dans les carafes et on en parle pas. Et ça me rend dingue. Ah, ça fait plaisir parce que les invités, c'est de la merde. On a eu un peu un pénis cramé. Un pénis cramé. C'est la première fois qu'on nous parle d'un God. Non, il y a un gland. C'est du charbon actif. Ouais. Alors, là, t'as dit un gland. C'était quoi la question, pardon? Une bite bandée. La question, c'est comment ton rapport avec les gens et ta façon d'appréhender ce qu'ils aiment de chez toi, etc., etc. Franchement, je m'en protège autant. Les extrémités positives, je m'en protège autant que les extrémités négatives. Très bien. Parce que j'ai vécu des trucs où dans la même semaine. Attends, j'essaye de te retracer le truc, c'était quoi? Ah oui, c'est bon. C'était sur Twitter à l'époque, donc. D'une semaine à l'autre, il s'est passé les deux choses suivantes. La première, c'est qu'il y a une espèce de clash de plein de youtubeurs basés sur rien. C'était des vannes que j'ai très mal pris parce que j'étais en top tendance, parce que, a priori, je battais ma femme et mes enfants. Super, super ambiance. Donc, il y a ça qui se passe, où je me prends un truc fondé sur absolument une boule dans le ventre, rien. Juste génial. Pire et truc la à faire, Maxime, semaine en fait. D'après, je sors une vidéo où j'ai réalisé les rêves des gens. Un des rêves réalisés, c'était qu'un fils l'a fait pour sa mère et j'ai payé le voyage pour qu'elle fasse son pèlerinage à la Mecque, c'était son rêve. Et donc, du coup, elle part, etc. Et je deviens un héros national sur Twitter parce que j'ai réalisé ce rêve-là. Donc, d'une semaine à l'autre, il y avait les deux extrémités. Et vraiment, ça a été un déclic en me disant trop positif ou trop négatif, je prends rien et je m'en protège parce que ça n'a aucun sens. Bah, c'est bien. Voilà. Et par contre, ce que je ne partage pas tant avec vous, même si ça m'est déjà arrivé de le faire, c'est ce côté scénique qui, globalement, est, je pense, d'un point de vue adrénaline, 100% plus pas de fin de phrase. Direct. Oui, non, mais t'as un plus rapport intense, direct. Plus intense. Direct, ouais, beaucoup plus intense. Ouais. Et même le cerveau humain est encore moins fait pour ça. Mais le fait d'être derrière un écran de statistiques, de chiffres, de vues, de machin, ça peut paraître un peu déshumanisé, mais ça me protège beaucoup et ça me sert beaucoup, cet écran, finalement. Mais moi, je te rejoins parce que maintenant que j'ai la chance de faire des films et des séries et des trucs, j'adore faire le vlogcast et tout se passe bien avec le vlogcast, mais je prends plus de plaisir à avoir les réactions à une œuvre artistique, pas parce que c'est une œuvre artistique, mais parce que justement il y a une protection, un filtre, et au final je suis beaucoup plus personnel dans un film comme Les Leroy que ce que je dis par moi-même. D'accord. Ouais. Et vu que j'ai ce filtre de la narration, de la fiction, ça me va beaucoup mieux que des gens adorent ou détestent, parce que d'un coup ça me protège beaucoup plus. Alors que le podcast, du coup, j'essaye de dire oui, mais c'est juste moi qui parle avec mes potes, donc en fait que vous soyez d'accord ou pas, tu vois, ouais, c'est pas on a. Bon. Mais ça, je me suis fait souvent la réflexion et c'est fou, c'est que je me suis dit au cinéma, quand tu sors un film, tu as plusieurs canaux de feedback extrêmement différents, ouais. Et tu dois faire une espèce de moyenne de tout ça de manière très froide, alors que t'es pas du tout objectif parce que c'est ton bébé. Ouais. Donc t'as la presse qui va te donner son commentaire, les rires les sales, gens, ouais. Les standings, ouais. tout ça, les gens, les commentaires sur internet. Tu les as fait gens, une moyenne gens, de tout ça. Et alors les gens que qui nous, se c'est que qui se barrent juste à la fin. Oh là c'est là. Très marrant. Quand on fait des FAQ à la fin, et t'as ceux qui se barrent avant le générique parce qu'ils veulent pas nous croiser. Nice. C'est très marrant nice. Aussi. Mais toi, malheureusement, t'es à la porte et d'entrée. Et toi, t'es à la porte, donc tu les vois. C'est hilarant. Pardon, je vais pas. Non, mais voilà. C'est un peu une question. C'est comment vous faites la moyenne En fait. Moi, je fais très peu de films, donc. C'est, ça rejoint ce que tu disais. C'est une espèce de truc de. Enfin, moi, c'est un peu mon travail est fait. Je peux rien y faire. Le truc, il existe. Ouais. Donc maintenant, c'est aux gens. Et en plus, ce qui est génial, c'est que moi, mes films préférés, ça a été des fours au cinéma. Mon réalisateur préféré, Judd Apatow, les gens, ils disent qu'il réalise mal. Enfin. D'accord, la métrique est différente. Totalement. Ouais. Il y a, quand le film, les critiques presse, ça peut être compliqué un tout petit peu parce que c'est avant que le film sorte. Donc t'as peur que ça envoie un mauvais message aux gens. Que voilà, et du coup ça te fout dans la merde. Ce qui te rassure, c'est que de toute façon, vu que toi tu dis parfois un fervent admirateur d'un four national, ouais. Mais qu'il y a forcément une proportion de l'audience pour qui c'est un banger absolu, ouais. Tu te rassures en te disant, il y aura forcément des gens pour qui ça va parler. Et le fait que t'aies créé ça chez une proportion de gens de toute façon énorme, ouais, ouais, c'est rassurant. Ça fait un peu naïf, mais même une personne, ça suffit presque. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Il y a un truc de, c'est tellement énorme. T'imagines, moi, il y a 500 000 personnes qui l'ont vu au cinéma. Bon, ça le, va, le, c'est un autre ton. Un peu plus. Merci. Bah écoutez, on est debout. Je savais pas comment on le dire. On est tous nus. Non mais c'est ah, ça me rappelle au milieu du film là pendant ma scène. Non mais tu vois, c'est sûr que ce sera le film préféré d'une certaine partie de gens dans le monde et le pire film jamais vu d'une certaine partie de gens dans le monde. Mais c'est tellement des gens insaisissables que je verrai jamais, etc., etc., que tout ça n'a pas d'importance. Et du coup, je pense mais que c'est le... dur de se le dire, moi je trouve. Mais c'est un en fait, c'est pas, c'est un travail, c'est pas inné. Mais je trouve ça de moins en moins dur. C'est juste, c'est pas inné. T'as pas tout le temps ce petit espoir de dire, qu'on a peut-être tous, de se dire, il y a un monde dans lequel c'est un banger unanime. Non, parce que j'ai jamais eu ça, déjà. Et puis moi, je travaille pas tout seul. C'est-à-dire que le film, tu vois, le Leroy, il a marché, c'est pas grâce à moi. Il y a Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Ouais, non, mais c'est un tout. C'est un tout. Non, mais c'est pas. Il y a plein de vieux qui sont allés voir le film, ils me connaissent pas. C'est pour ça que j'adore aussi les films et les séries et tout, c'est que c'est tellement un travail de plein de gens. Ouais. C'est pour ça que la scène, c'est pas exactement pas parce que là vraiment les gens viennent pour le gars. Il y a un type. Ah ouais, quand je me prends un sale commentaire sur mon spectacle, je pense pas à tout ce que tu dis. J'ai juste envie de me flinguer. Ouais, vraiment, c'est juste ça. Est-ce que toi, de ramener d'ailleurs des gens sur ta chaîne, ça t'a un peu protégé aussi? Je l'ai envoyé au front, le gars, sur ma droite. Je l'ai envoyé au front. Bon, mais ça m'a rendu riche. Non, mais est-ce que du coup, ça permet d'appréhender les choses différemment? Est-ce qu'on se sent plus baqué? Oui, s'il y a un gros problème, c'est la faute de Thomas ou de quelqu'un. C'est ouais, très bien. On sait de quoi on parle, mais comme t'as du montage à faire, on va t'épargner ça. En fait, je l'avais jamais trop conscientisé, mais oui, forcément, ça offre un petit peu quand même une petite protection mentale de se dire qu'on est plusieurs, ne serait-ce que c'est pas pour faire bouclier humain, ouais, mais c'est plus dans le process de validation aussi. Ouais, ouais. C'est qu'en fait, quand t'es vraiment tout seul à valider tes dires et ta vidéo, ben t'as vraiment pas de regard critique de qui que ce soit d'autre. Ouais. Et là, notre manière de valider, on a 12 groupes WhatsApp où il y a finalement les gens de la prod, de la post-prod, chaque personne du crew et le monteur, et puis moi. Donc ça fait quand même beaucoup de barrières pour qu'il y ait une connerie qui passe, tu vois. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 35 minutes, je vous parlais de Windows. Alors je voulais vous demander. Attends, on a eu la réponse ou pas? Je vais vous donner des mots du passé Windows, Internet, PC des années 90. Oh, j'adore. Qu'est-ce déjà que ça crée chez vous? Alors il y a des trucs faciles, des trucs moins faciles. Rien de me dire ça déjà, c'est ça. Il joue trop bien. Clippy, c'est quoi? Bah ça c'est l'aide de Microsoft Word qui l'aide à dire le trombone, oui, bien sûr. Alors vous gardiez le trombone, moi je l'avais transformé en petit chien à un moment. Tu pouvais changer. Oui, tu pouvais changer. Il y avait un chat, il y avait un chien, un trombone, c'est ça. Et un énorme god michette dans une carafe, je crois. J'ai parlé qui te disait pour mettre en grave, vous cliquez là. Mais ma meilleure pote, elle est sortie 3 semaines avec trombone. Énorme pervers narcissique, le gars. Le Wiz. Bah oui, ça, c'est sur MSN Messenger quand tu fais vibrer la fenêtre. Ouais, bien. Le cochon qui danse. Ah, je l'ai pas. Ah, le cochon qui danse. Mais ça, c'était un truc un peu. Fallait installer un mode, genre. Non, c'était de base. C'était natif. MSN Messenger où tu pouvais. T'as un cochon qui danse qui c'était apparaissait. C'était invasif, non okay. Tu pouvais plus écrire quand il y avait ça. J'avais ça qui arrivait sur ton ordinateur. C'était invasif. Oui. Comme les bambous. C'était intrusif, même. Mais t'avais un vrai cochon qui danse. Enfin, un dessin animé, mais c'est vrai que. Je n'arrive pas à me remettre à l'époque à quel moment on pouvait utiliser ce cochon qui danse. Comment tu réagis dans quelle situation alors? Oui, voilà, c'est ça. Alors là, une bonne blague, une bonne nouvelle. Non. Peut-être pour attirer l'attention comme le Wiz. Oui, il y avait trop d'options sur MSN. C'est un truc qu'Internet a perdu, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer une notification à laquelle tu ne pourras pas échapper. Parce que rappelez-vous, il y avait plusieurs fenêtres d'ouvertes. Donc par exemple, j'ai une fenêtre avec chacun d'entre vous ouverte. Si Florent. Flaubert m'envoie un Wiz, la fenêtre de Flaubert va en premier. Ça n'existe plus. Ça faisait ça le Wiz. Ouais, oui. C'était une prise totale. C'est très toxique. Ça, c'est intrusif pour le coup. Real Player. Bien sûr, lecteur vidéo au début d'Internet. Avant le streaming même. Pour les télécharger un peu les... Ils lisaient pas tous les codecs quand même, hein. Non, c'est vrai, il y avait des petits codecs où on était un peu bloqués. C'est Winamp ou c'est pas ça? Non, non. Ou c'est encore autre chose Winamp? Non, Winamp, c'était un décompresseur. Non, Winamp, c'était un lecteur de MP3. Et ouais. Et que tu pouvais skinner, il y avait c'est plein ça. De skins. Moi j'avais la tête un peu. La tête un peu Android. Real Player, j'ai pas. J'ai un peu perdu. Real Player, c'était le lecteur de vidéo, mais vraiment tout début d'Internet. Avant VLC, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et je me souviens que tu pouvais un peu le modder pour justement ajouter les codecs parce que tout passait pas nativement, quoi. Peut-être. Et je me souviens que la première fois que j'ai pu vraiment visionner Le Seigneur des Anneaux, qui avait quand même énormément de bits dedans. Et ben, j'étais hyper content. content parce que genre, je l'avais téléchargé la première victoire, mais je pouvais pas le lire parce que j'avais pas les codecs. Ah, allez, c'était un peu long. Non, pas du tout. Mais écoute, on parle de codecs. Mais parlons-en. J'aimerais quand même remettre sur le devant de la scène VLC, qui est quand même exceptionnel. Les gens codecs d'ailleurs. Les gens te félicitent. Code codec. Bravo. Voici code codec évidemment. Merci VLC parce que le nombre de vidéos que j'ai pu lire, alors j'arrive à les lire sur rien. Merci VLC. Et d'ailleurs, c'est les deux seules choses avec le podcast dans l'humanité qui n'ont pas changé. En termes de design. Ouais, c'est ce vieux plot qui bouge j'ai pas. J'ai une copine qui est sortie avec le plot. Très objet. C'est un nom d'ailleurs, ça. J'ai oublié. Quand t'es excité par les objets. Ah, oui, j'ai oublié. Taré. Fou furieux. Nero Burning. Bien sûr. Oh, c'est un logiciel de gravure. Oui, je l'ai. Nero Burning Rome, c'était ça. Burning Rome, j'ai pas voulu mettre Rome pour être ton. Mais non, mais c'est ça. Il l'a quand même tout de suite trouvé. Mais non, mais c'est le jeu de nom. Ouais, parce que Burning Rome, les Roms, c'est des Roms. Oui. Et Burning Rome, Néron qui a brûlé Rome. Rome. Ah ouais. Ah, c'est ça, le jeu de mots. Excusez-moi, pardon. Du sang coule dans mes oreilles. Mon crâne vient d'exploser. Non, mais sur la tech, pardon. Oh là là. Quelle culture. Non, mais sur la tech. Mais alors là, tout est très facile pour toi. Word Art. Bah oui, voilà. C'était des Word du pauvre. C'était les, alors, les non. titres. Non, c'était les titres Word Art. Ouais. Oui, ah c'était bon, tu pouvais faire du texte et tu pouvais dire il est mais ça revient un peu dans certains trucs certains mèmes et tout utilisent les Word Art. Word Art non mais my bad, mais Word Art était nativement installé sur Windows et donc quand tu n'avais pas Word, ça dépanne bien. Non, parce que je ne savais pas qu'il y avait des fonctionnalités avec WordPad. Je t'en supplie, c'est ça. Non, WordArt, c'était dans Microsoft Word. Tu pouvais faire des textes un peu décorés, en vagues, etc. T'avais l'impression de créer des logos, alors que c'était un des trucs infâmes. Ouais, moi, ma fiche de délégué en 6ème J, qui m'a permis d'être élu haut la main. Bravo. Il y avait du Word. Debout. Ouais, je me souviens, j'étais face à François Fillon à l'époque. Donc Voter pour Thomas Deuzer et la vie en 6ème J ne sera que meilleure. C'est ça mon slogan. Mais, non mais j'ai envie de te gifler, je t'adore en même temps. C'est les deux. Ok. Très très simple. C'est magnifique. Que tu peux pas trop custom en fait. Un peu peut-être les vagues. Tu peux pas custom, hein. Je pense que pour moi, les vagues là en bleu, tu pouvais régler le petit losange jaune. Oui. Ah, c'était peut-être des. Ah, je sais pas si tu pouvais pas. Ouais, non, c'était des trucs prédéfinis. Et t'avais même des images prédéfinies. Tu pouvais mettre des images dans le texte. Alors là, tu parles de clip art, attention. C'est pas la même chose. Mais c'est quoi le rapport? Ah, oui, c'est parce que le fond d'écran était à l'ancienne, donc je parle un peu. Ouais, en tout cas, à l'ancienne. Écoute, un petit conducteur comme ça. Non, mais bien. Moi, j'adore, on peut parler de. J'espère juste en avoir une parce que pour l'instant, Adrien est en train de rafler la mise. Limewire. Bah là j'ai une anecdote de fou. Donc le V2, enfin je veux dire. Et tout. Donc mon père était prof de techno, donc autant dire qu'il touchait tout ce qui était ordi. Stylé. Et il me disait toujours un ordi, c'est pas pour jouer, c'est pour le travail. Ce qui est totalement faux aujourd'hui. Twitch lui a prouvé qu'il avait même à son époque c'était faux. Voilà. Et par contre il nous achetait des consoles, donc c'était cool. Mais un jour je lui dis, franchement papa, je suis capable d'avoir tous les films du monde grâce à LimeWire, je vais te montrer et tout. Et il voulait pas trop, il était méfiant. Je fais, je le montre sous tes yeux. Donc j'y vais, je télécharge probablement c'est comme ça. Non mais exactement ce qui s'est passé, je télécharge un indien dans la ville ou un truc comme ça. C'était la ville dans un indien malheureusement. En fait exactement, donc je le lance. Énorme porno, mais tu sais pas avec une intro. C'est direct, la bite dans la chatte. Je sais pas si vous avez l'image. La bite dans la chatte, vous avez l'image ou pas? Elle avait déjà fait tomber ses clés. C'est ça que je veux dire. C'était sur Microsoft Word. Et du coup comment on va? Et puis je fais, j'éteins, je le désinstalle. Il fait, ouais, tu le désinstalles. Et c'est tout. Comment mieux vendre ce souvenir de ta mémoire? Comment mieux vendre internet à son père? Pourtant énorme que t'as, Bernard. Ah bah on va. Et on sait qu'il nous écoute, on le salue. Il est venu à la VP d'ailleurs. Netscape Navigator. Ah bien sûr. Oh putain. Bah bien sûr, c'est un des premiers navigateurs. Là, en vrai de vrai. Genre Lycos un peu ou quoi? Non, c'est un navigateur. T'es de quelle année, Adrien? Comment? T'es de quelle année? 80. Ouais, mais c'est ça. Bah, je pense qu'il faut 5 ou 10 ans de plus. Non, mais ça va. C'est pas beaucoup. Si ça se trouve, je vais mourir avant toi, ça se trouve. Je regarde pas quand je traverse la route là. Mais, tu vois, j'ai failli. T'as dit 5 ou 10 ans, t'as 11 ans, donc t'as été gentil. Il s'attendait pas à des choses si. J'étais conscient du calcul, mais on est invité aussi. Il a dit, oula, dans sa tête, il a fait, oula, 80. Oui, bah 50 plus. Tu sais, on est nés tous les deux, on a un point commun, on est nés tous les deux encore sous l'URSS. Voilà. Moi 4 jours avant la fin, mais Moi je suis né en URSS. Donc... Non, c'est faux. C'était quand vous votre premier ordinateur? Oh bah pouf. Oh, je me rappelle. Non mais pas l'année forcément, mais dans ta vie quoi. Tu t'étais à quel moment? Ah oui, moment, non, bah, ouais. Tout petit. Tout moi, petit. Mon père était un gros. Un alcoolo-geek, j'ai envie de dire. Qui a une chaîne YouTube aussi, alcoolo-geek. Ouais, je l'ai. Là, mon père était vraiment un geek avant l'heure, quoi. Pas tenté. Donc, moi, je l'ai toujours chez moi d'ailleurs. J'ai un Thomson TO7, là, les petits ordi grands comme ça. Bon, la keynote était dingue. Ah, one more thing. Mais j'ai eu un Apple 2C. J'ai eu. Donc, je pense le plus vieil ordi dont je me souviens, c'est l'Apple 2C de mon père. Waouh, wow, stylé. Un peu stylé, ouais. Ouais. Maxime 97. Ouais. Un Packard Bell. Un P40i. J'ai inventé la ref. Et en vrai, anecdote rapide, mais mon arrière-grand-mère est née en 1900. Elle se rappelle comme pertinemment moi. Du comme jour où un électricien d'EDF est venu mettre l'électricité. Incroyable. Mon papy Non, c'est des travaux. Il y a des travaux, pardon. Mon papy, donc son fils, se rappelle exactement de quand le téléphone est arrivé. Mon père se rappelle exactement de quand la télé est arrivée. Et ouais. Je me rappelle exactement du jour où il a débarqué avec son Packard Bell. Ouais, acheté bêtement à Super U, il n'y avait pas assez de RAM. 128 MO, je crois. Ah, ouais. Donc tu pouvais juste faire le Spider solitaire. Par contre, mon papa avait un boulot un peu particulier qui faisait qu'on n'avait pas un modem 56K, on avait un modem 128K. Wow, l'équivalent du Starlink dans le village. Oh, wow. Ah ouais, t'avais un vaisseau spatial. J'étais ouais, un gars à connaître. Incroyable. Déjà à l'époque. Déjà, fallait l'avoir dans la poche. Thomas, Bah moi j'ai dû hériter des vieux bousins que tu sais, ça a passé de chambre en chambre. J'étais le dernier des enfants, ouais. Donc j'ai eu. Mais je me souviens juste que je jouais à des jeux avec juste des vaisseaux entrés, on tirait sur des météorites. Là je sais plus. Oui, astéroïdes. Astéroïdes. Ouais. Ouais, je suis. Tout simplement. Mais à l'époque les jeux c'était chaise. Chaise 1, chaise 2. Ouais. C'est les mots simples en ouais, fait. C'était ouais, c'était ça. Grand Theft Auto, ça arrivait bien plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je veux dire. Ouais. Bah, oui, moi j'avais la console Mattel Intellivision. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Très très vieux, genre 84, un truc comme ça. Et vraiment, le jeu de foot s'appelle soccer. Bah oui. Le jeu de boxe s'appelle boxing. En même temps. Et c'était là. C'est vrai que maintenant, avec vos jeux à 150 euros, là les jeunes, vous nous faites chier. Oui, avec vos VR. Je cherche un long titre. J'ai rien. Metal Gear Solid, c'est très vieux. J'ai rien. Mais vous, c'était gaming, PC gaming. Ouais, ah non, moi je tu pouvais sais pas. Que les PC étaient livrés avec une quantité de jeux. Ouais. Vraiment, genre, il y avait pas de jaquette. Mais quand t'achètes ton Packard Bell, t'avais une quinzaine de jeux. De des disquettes souples. Ouais. Non, mais calmez-vous. Non, on est en 97, il y a du CD, il y a du CD-ROM, bien sûr. Non, mais moi j'ai un souvenir d'un PC avec des disquettes et j'avais un jeu sur chaque disquette. J'avais un jeu Batman. Mais non, mais toi, c'était pas des disquettes souples à ton époque. Je te jure. Bah, pas à mon époque, mais en Bourgogne. Il y a une latence. Avec ma sœur Cosette. Un PC avec des disquettes souples. Moi j'ai connu et on a le même âge, toi. Ouais, 91 moi. 90, donc. Oui, voilà, mais attendez, les gars. Quoi? Après, on était pas cool. On était pas les jeunes cool. Non, des petites. Oui, bah pas souples. Moi, pardon, pas des grandes. Moi, des grandes souples. Non, mais là, tu mens, tu fais ton. Ah non, non, je te jure, mais je te dis, je récupérais les ordis de la. Ah oui, d'accord, d'une génération d'avant. Ouais, voilà. Okay. Moi, c'était des petites disquettes, donc pas souples, pardon. Voilà. Mais dessus, sur chaque disquette, il y avait un jeu. Oui, ça, il fallait mettre un code. Au début, il y avait un écran bleu, il fallait mettre un code et ça lançait le jeu. Stunt. Du coup, juste pour préciser en termes de volume de jeu, maintenant quand on télécharge, une disquette, il y avait des jeux dessus, donc ça faisait 3,6 MO, une connerie comme ça. C'était 1,4 maintenant, mégas, le menu de GTA fait 500 MO. Le word art de GTA. Alors, vous le savez... Et on est allé sur la lune, hein. Ah, non. À cette époque-là. Non, mais quand pardon, même. Pardon. Quand même. Enfin, soi-disant. Enfin, bref. Vous le savez peut-être, dans quelques jours, on va sortir le film Wicked. Vous voyez ce que c'est? Oui, oui. Voilà, c'est l'histoire de la méchante sorcière de Magicien d'Oz. C'est ce truc qu'ils font souvent sur les méchants. Ah, je savais pas que c'était sur Magicien d'Oz, par si, c'est la sorcière. Non, je savais pas. Ça, tu le savais, je pense, quand même. Je savais. C'est un dernier comédie musical que, d'ailleurs, j'avais vu. Il a pas tenu longtemps. Ce serait nul, aussi. Moi, donc... sous la torture, c'est vraiment. Il me monte l'outil, je fais, je vais tout vous dire. Il t'assoit sur la chaise, tu fais, pardon, ok, je. J'ai des fourmis dans les jambes quand je reste assis, donc. Détachez-moi, on va parler. C'est le colonel Moutarde avec un appareil photo dans le living room. Et donc, bref, c'est adapté d'une comédie musicale, c'est un gros blockbuster, et comme tout gros blockbuster, il y a des jouets. Sauf qu'il y a eu une énorme bourde, qui a été faite sur la commercialisation des jouets Wicked. À votre avis, lequel, laquelle? Ah, ils lui ont mis des nichons. Alors, peut-être qu'il y a des nichons. Est-ce que c'est encore une bourde d'avoir des nichons? Non, c'est vrai que on c'est peut pas... avoir des nichons sur nos jouets, les woke. J'ai ri en disant des nichons, imagine. Est-ce que c'est raciste? C'est pas raciste. Alors, attends, déjà, il y a des produits dérivés, il y a un problème sur les produits dérivés. Ça, alors, oui. C'est les jouets. C'est les jouets. Okay. C'est les poupées Barbie. de Wicked. Ah, ils se sont trompés de licence, ils ont mis un autre nom. Non, mais c'est lié à ce qu'il y a sur la boîte. Donc c'est pas un problème sur la poupée en elle-même. Ah, attends. Il y a marqué Barbie. Ah non. Oui, donc ah, c'est Barbie, donc c'est. C'est ouais, c'est des poupées Wicked Barbie. Mais j'ai écrit ne peut pas s'ingérer, écrit peut s'ingérer. doit s'ingérer. Bah, tu t'approches. Ah, il y a un problème de QR code, non? Alors. C'est pas ça? C'est-à-dire? C'est pas vraiment. Quand tu scans, ça. Ah, tu vas ça va cul, normalement vers le tuto. Voilà, mais voilà. Là, ça va vers. J'ai vu caquer. Alors, j'ai vu pas exactement ça, mais c'est un problème de. Il n'y a pas une puce, genre. Tac, tu. Non, c'est pas ça. Non, non, mais en gros, il y a un site web pour aller sur le site du film. Ouais. Le film, c'est Wicked. Et ils ont mis wicked.com. Oh là là là. Pas wicked, wikedmovie.com. C'est un truc de gros porno. Et wicked.com, c'est un énorme site de boulard, malheureusement. Quel plaisir. Ah merde. Et en même temps, c'est vite arrivé, tu vois. Des fois, j'ai envie d'en vouloir aux gens, pas là. Ouais, tu dis l'erreur. Je vois l'erreur. Voilà, je vois l'erreur. Mais c'est énorme ce que je vois en face de moi, là. Le bouquin vert. Ouais, c'est Wicked. C'est Wicked, ouais. Eh ouais, bien joué. J'ai envie de me en fait, fait exprès, hein. Toutes les réponses au jeu sont dans la bibliothèque. Putain, mon dieu. C'est dans comme Usual Suspect. Ouais. Faut juste avoir l'œil. Mais le poster avec le fond d'écran Windows XP. Comme souvent parmi toutes les attractions. La Standing Ovation de Marcel. Elle est là en poster. Donc, bah, vous avez dit la réponse, hein. Je vais pas paraphraser, mais en gros. Le vrai site, c'est wikidmovie.com. Cette découverte relayée par les utilisateurs Twitter a néanmoins poussé Mattel à agir dans l'espoir d'éviter d'éventuelles poursuites. La marque a formulé ses excuses, évoquant une erreur d'impression. Il conseille aux consommateurs qui possèdent déjà le produit de jeter l'emballage. Tout bon simplement. Mattel, tout on y a eu à penser. Ou d'aller se palucher tranquille. Sur un bon voilà. Personne ne va sur les liens des sites. Ah, qui là, fait ça. Là, faut vraiment se faire chier d'écrire le site ouais. sur Internet. Genre, je veux plus d'infos quand même sur ce film. Du reste, les poupées ne sont plus disponibles à la vente sur Internet. Ils sont progressivement retirés des rayons en magasin pour remettre le bon site web, monsieur. Oui, ou un bon coup de marqueur. Sur... Cette personne vient de perdre son emploi, en tout cas. Oui, elle a dit je comprends. Ou alors, cette personne avait déjà perdu son emploi. C'était son dernier contrat à la fin. C'est ça. C'est ça. Ah, oui. Comment on est sur les jouets, Maxime? Tu es papa. Tu achètes beaucoup de jouets. Tu... Alors, moi, personnellement, on fait attention avec ma femme. Mais il y a la famille derrière. Hein. Ouais. non, non, c'est globalement. Dursley dans la famille, comment c'est Dudley voilà. c'est globalement Dudley mes enfants. c'est trop ouais. Heureusement on peut répartir sur la résidence secondaire et tertiaire, mais sinon ce serait insupportable. C'est un conseil qu'on donne aux auditeurs, répartissez vos jouets dans vos différentes maisons, dans le bateau aussi j'imagine, quelques jouets. Non, et le jet. ouais c'est pas, tu trouves pas ça dur un peu de résister? Moi j'ai du mal à résister à acheter. Déjà t'as de mal à résister pour toi pour déjà. Ma... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, j'ai un peu du mal. Parce que à rien résister. N'est à tes gosses dans cette bibliothèque. Tout est à toi. Non, c'est triste. Et ce qui est terrible, c'est que tu vas dans la chambre de ma fille, tu dis oui, bah c'est ta chambre aussi. Enfin, oui, d'accord. Okay, okay. Est-ce que ses jouets, c'est Star Wars, les Simpsons, tu vois, c'est vraiment. Et l'intégrale de Game of Thrones en Blu-ray. Non, mais c'est pas con en vrai ça. À un moment donné. C'est quoi des enfants à part de la main d'œuvre et des excuses? Pardon? Hein? Mais c'est difficile, du coup, on se retient de ouf, tu vois. Et on fait hyper gaffe à ce qu'on achète, c'est-à-dire que oui, on va quand même lui offrir un cadeau, on est quand même ses parents à la fin. Ouais. Mais il faut que ce soit un truc un peu éducatif, de seconde main. En bois, mais attention à quel. Enfin, tu vois, t'es en mode, tu te mets trop de critères, et du coup, moi, ce que je voulais lui acheter, c'est quoi? La maison Smoby, qui est faite en pétrole, du Texas, avec la mezzanine, oui, c'est le double toboggan, c'est ça que je voulais. Bien sûr. C'est les grands-parents aussi, le gros délire. Moi, je sais que dans mes neveux et nièces, il y a petit Paolo, là, qui a une énorme moto à Noël, tu vois. Et j'ai un gros truc de merde, quoi. Ouais. Et puis, ma mère, elle a juste trouvé à dire, mais vous aussi, vous en avez une quand... Mais jamais de la vie, j'ai une moto quand j'étais petit, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est vrai que c'est un cadeau. Les parents mentent souvent. Ouais, ouais. Souvent. C'est vrai que les grosses voitures pour enfants là, c'est horrible. J'en ai acheté une cet été à ma fille parce que toi tu peux les télécommander. Oui. Et vraiment, je me suis vu être une merde de dire là, tu utilises ton enfant comme un jouet. C'est-à-dire que je mettais ma fille dans une voiture et je mais c'est quoi les enfants à part. J'ai dit cette phrase. Mais c'était vraiment hilarant, ce qu'elle a 2 ans et demi et de l'avoir dans une petite voiture, faire semblant de conduire et c'est toi qui pilotes. Elle est persuadée que c'est elle qui fait toutes ces dingueries. C'est ça. Et ça, c'est un bonheur de chaque instant. Vraiment, c'est trop hilarant. Regardez. Mais cela dit, vous achetez des trucs parce que tu disais que j'achetais des jouets et c'est vrai. Les Lego par exemple, on a vu vos vidéos Lego, il y a quand même une passion Lego à la base. Oui, de ouf. Ouais, c'est ça. Moi, je pense vraiment que ça a développé quelque chose chez moi, les Lego. En fait, ouais, à force de passer des après-midi enfermés dans ma chambre en ayant perdu les notices, c'est important comme détail, où en fait, tu dois tout simplement jouer à Minecraft, hein, au final, hein, c'est-à-dire juste être créatif et te forcer à créer des trucs. Ouais. Et je pense qu'à la force, tu vois, de le faire pendant 5-7 ans de ta vie, au moment où ton cerveau se développe, ouais, c'est obligé qu'il y ait un impact, tu vois. Et, ouais. Mais par contre, faire des vrais Lego en suivant la notice, ouais, je l'avais jamais fait. Ah, je vidais les sachets ensemble. Ah, à capella, et je fais une voiture dinosaure, bien sûr, évidemment. À capella, alors que c'est un avion de chasse. C'est ça. Donc le T-Rex avait une sale gueule, voilà, bref. Mais tu continues à en faire dans tes passe-temps. J'en fais hors vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, tu le faisais avant ou tu t'y es mis grâce aux vidéos? Moi, je fais que quand c'est rémunéré avec des gars. Le reste m'en tape. Par contre, il y a un truc que j'ai arrêté de faire adulte avec mes jouets, c'est que j'ai arrêté de les faire baiser ensemble. Moi, j'ai commencé, mais bon. C'est trop... Moi, j'avais une souris. Les souris mutantes, non? Les souris de l'espace? Les motards de l'espace. Que je faisais baiser avec une Barbie. Mais oui, autant dire que. Il y a une différence de taille. Il lui est arrivé à la. Ouais. Enfin, au sous-bas. Enfin, je. On en vient au truc sombre dont tu parlais tout à l'heure. C'est incroyable comment t'as même pas lancé sur ces sujets. Oui, c'est vrai, je suis allé tout seul sur la sauce. Sur... Alors toi, t'achètes des jouets à tes gosses? Non, moi je les faisais baiser avec ensemble. Des rats. Petit détail, ils bandent. Je suis un peu. Si on peut aller au fond, c'est du vrai, c'est pas très radiophonique, voilà, mais il bande. Il y a le truc du pull tout à l'heure, on l'a décrit et tout. Allons-y à fond. Il est non, mais les Lego, du coup, non. Oui, enfin, non. J'en fais de temps en temps. C'est dur de faire baiser des Lego, je comprends. Mais c'est chiant. Sûr. Quoi que ça s'imbrique bien, c'est même le concept. C'est vrai, mais... Non, mais par contre, j'adore en faire avec ce monsieur. Ça, ah oui, ça c'est sûr. Mais ça, on a, t'as découvert les Lego via la souffrance, parce qu'on a monté les plus gros Lego, les plus difficiles et les plus longs. Donc, du coup, mais il y a des plus petits Lego. Ouais, moi, ouais, c'est là où je vous suis pas. C'est les très gros Lego, je deviendrais fou. C'est-à-dire, moi, j'aime bien les Lego middle. Genre, je sais pas le nombre de pièces, mais ils avaient sorti une grosse Batmobile. Oui, ouais, bien. Un 1500-2500. J'ai les maisons Simpson, tu vois, ça, je lui ai pris une petite semaine. J'ai regardé ça, à gauche bien. Par politesse, que ouais, je l'ai pas vu. Et elle est là, mais ça, c'est une pièce très rare. J'ai la maison des Simpson et l'épicerie des Simpson. Alors que je te dise, parce que je suis devenu spécialiste Lego à cause de ce monsieur, la maison Simpson, fait très très gaffe si tu la bouges, parce que elle se casse facilement. Le toit, les briques marron, elles existent pas trop. Écoute, je suis abonné à Brickmaster.com. Bricks, voilà. Et je sais qu'ils vont peut-être faire le Krusty Burger en Lego. Je suis comme. Oui, oui, oui. J'ai très Adrien, toi, moi, c'est les. Je hais les Lego, moi. Ouais, c'est ça. Non, là où je te rejoins, c'est que moi j'adore le côté Lego en vrac et tu crées ce que tu veux. Ça, je le faisais quand j'étais petit. Je me suis même racheté des Lego en vrac une fois adulte. Parce que non seulement. En fait, je trouve ça aussi pratique. Genre, par exemple, une fois j'avais besoin d'un. Quand j'ai commencé à faire du Twitch, j'avais pas de Stream Deck et j'utilisais ma tablette Lego. Et j'avais pas de support et du coup je m'étais fabriqué un support avec des Lego. Putain, mais c'est que tu peux fabriquer c'est un truc d'ingénieur, plein de trucs en fait. Bien sûr. Et donc ça je trouve ça cool, mais moi je déteste les trucs à fabriquer, enfin j'aime pas, je suivre la notice, ça te saoule quoi. Suivre la notice et après c'est je trouve le résultat moche en plus moi. Alors moi je les ai tous détruits. T'as pas vu le Titanic hein. j'ai vu le kit LED. Non mais j'ai tout vu. Non mais je rejoins Adrien sur des fois ça reste des formes très carrées quoi. Le clash en live des deux. Non mais Titanic. Wow, moi je me fais tout petit là. T'allais monter une pyramide de Khéops au milieu de l'Égypte avec Maxime. Ça va te passer sous le nez. C'est marrant que tu dises ça. Ça pourrait être une blague dans plein d'univers. Moi c'est probablement mon futur. Deux ans. Tu vois. Oh il fait chaud. Ah trop marrant et tout. Mais je vais crever en fait. Je vais crever. Je veux m'en aller. Il comprend. Moi je les ai tous jetés. Enfin je les ai tous mis dans une boîte cassée pour ma fille. Ah, moi j'avais un bureau. Je les avais tous. Mais c'est génial parce que tu offres à ta fille l'absence de notice. Voilà. Non, mais les vérifiés, ils sont tous sur internet. Oui. Tu peux tout retrouver sur internet au cas où. Mais non, mais c'est cool d'improviser, c'est ça qui est trop bien. Oui, mais et après on aura fini sur les Lego. Mais ceux de un peu pour adultes, enfin ceux qui sont des très grosses pièces et tout, c'est des tout petites pièces et c'est pas très marrant pour les enfants, je trouve. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu. Moi j'étais ado, j'ai joué tard hein, vraiment. Là, je te parle à 15 ans, je pense que je faisais encore des vaisseaux spatiaux. Que ça que je faisais en fait. Maxime juste Thomas. Louis Lego, j'ai pas réussi à le placer. J'ai pas réussi à le placer, je le balance comme ça. Mais n'hésitez pas, mais même vous, hein, si à un moment il y a un jeu de mots mais que vous n'avez pas à placer. Je veux dire, on peut arrêter de parler de Lego parce qu'au bout d'un moment le Lego lasse. Ah oh yeah. Oui. Maxime Thomas, vous avez fait une vidéo où vous avez goûté 100 goûters d'affilée. Ouais. Avez-vous remarqué qu'un célèbre goûter a disparu de nos rayons en toute discrétion? Moi j'ai l'impression. Je l'ai vu. J'ai vu l'info en passant. C'est pas les REM, parce que j'adore les REM. Alors moi c'est pas ça que j'ai vu. REM le groupe, tu joues tout seul, Thomas. Parce que je l'ai. C'est quoi Maxime? Vous l'avez tous? C'est les Fingers, non? Les Fingers. Pourquoi? Ils ont disparu. Mais c'est horrible. Les Fingers ont disparu. Depuis plusieurs mois maintenant, impossible de mettre la main sur des Fingers. le fameux biscuit britannique de la marque Cadbury a déserté les rayons des grandes surfaces françaises. Les amateurs doivent donc se rabattre sur la multitude de produits équivalents à marques de distributeurs comme les Stick and Shock de Carrefour, les Sticks de Leclerc ou c'est les Choco Stick. C'est jamais Auchan. Cool alors bah, ça jamais, se veut cool. Bah, oui. Heureusement que j'avais fait un stock. Un stock and stick. Le propriétaire de la marque Finger, le géant mondial Mondelez, qui a acheté le britannique Cadbury, n'a pas fait d'annonce. Et c'est là où la communication. Ah mais il y a un mystère, parce que selon Carrefour, interrogé par Libération, je vous cite des grandes sources, les Finger ne sont plus en rayon dans l'Hexagone depuis le mois de mai dernier pour une raison qui reste alors mystérieuse. On ne sait toujours pas pourquoi. Ça fait peut-être 50 balais qu'elle est là, et ils l'arrêtent comme ça. Ils ont été disponibles via un distributeur intermédiaire. Cette référence est absente du marché français depuis mai 2024. Quelle horreur! Nous vous informons que les biscuits Finger ne sont ni fabriqués ni directement distribués par Mondelez International en France. Sollicité par BFM Business, bah oui, tous les médias oui, sont oui, quand oui. même sur le goût, sur le dos. La marque Cadbury au Royaume-Uni n'a pas donné suite. Reste que ce n'est pas la première fois que la société américaine retire un produit des rayons sans prévenir. En 2015, les Figolus avaient disparu avant de revenir 5 ans plus tard et avaient rencontré un grand succès. C'est PNL en fait quoi. Ils retirent un truc, ils disent pas de promo, rien, pas d'annonce. Et après ça revient. Après, ça revient. Putain, j'ai un fou, pote qui est data analyst en grande distrib. Et à mon avis, il a la réponse. Vous voulez que je l'appelle? C'est pas vrai. Ah, merde. Merde. J'aurais adoré. Mais j'ai vu ça ici avec les Burger King. Ils avaient disparu. Et quand ils étaient revenus, c'était genre il y avait des queues de 5 heures pour aller à Burger King. Et ça y est, maintenant on est là, genre c'est un fast food. Mais c'est vrai que c'était un événement. Mais j'avais fait la queue à Saint-Laz. Ouais, voilà. Mais c'est ça, beaucoup de gens. Alors j'ai quelques noms de goûter banger qui n'existent plus. Je vais voir si ça vous parle un peu. Est-ce que vous vous souvenez du Captain Choc de Van Damme? Oui. Absolument pas. Captain Choc, je me rappelle. Captain Choc, c'était Pépito fait ça maintenant. Parce que Pépito, ils font plus que les petits. Van Damme. C'est une sorte de savane, quoi. Une sorte de savane avec des pépites de chocolat. Les croque-images. Ah non, ça j'ai pas. Ça, moi je l'avais. Ah, c'est très marrant. Ça, vous l'aviez pas? Ah, c'est des petites images de sport ou de métier. Oui, en Bourgogne, ça. C'est possible. Parce que là, on est sur un truc des années 60 quand même, le visuel là. La date de péremption était. On l'a acheté avec des billets de banque et à une époque avec des tickets de rationnement. Oui, elle était longue, j'avais peur qu'elle vous plaise pas. J'étais en train de basculer. Les Chocotoons. Oui. Ah si, t'avais ça? Une somme montre. Alors ça, c'est si vous êtes né dans les années 80-90, vous avez sûrement connu les Chocotoons de la marque Astérix. Oui. Alors c'est ça, en gros, ils faisaient ce truc très bien pour habituer les enfants au sucre. Ils mettaient soit des persos d'Astérix, soit des Looney Tunes. Et en plus, ils étaient en forme de cigarette. Allez, bam. Là, vous avez vu les derniers BN en forme de pipa crack. C'est ouf. C'est de pire en pire. Les Nestlé Disney Family. Alors ceux-là, j'avais oublié le nom, si mais quand je les ça. Ai vus, regardez-moi ça. Ça vous dit rien, ça? Ouais, si. Moi, c'est le premier là. C'était pareil, c'était en gros des personnages Disney. Le personnage était en chocolat blanc et tout le truc autour était en chocolat noir. Oui, forcément, un chocolat monsieur qui m'a donné dans la rue une fois. Bien sûr. Et les Yes, vous vous souvenez des Yes? Bah, bien sûr, Yes Cacao. Les trucs moelleux là. Yes Cacao. Moi, je suis passé à côté, moi. Faut juste laisser autant aux auditeurs de le taper là parce que. Ouais, là, ils ont pas le visuel, tu vois. Ils peuvent reculer avec 10 secondes, ça qui est bien fait dans les. Yes, on dirait une sorte de napolitain mais avec plus de couches chocolat. C'est vrai. Le reste, démerdez-vous. Votre goûter préféré autour de la table, très vite. Bah, vous avez bouffé 100, donc vous devez avoir. C'est vrai ça. Reprenez le truc que vous avez mis en 1 dans la vidéo. Et voilà, quoi. Vous vous rappelez même pas. Kinder Bueno, c'est une violence. Moi j'aime bien les REM. Mais... C'est pointu. Non, c'est pour les connaisseurs. C'est quoi les REM? REM de l'U. Oui, mais les REM, c'est un groupe. Est-ce qu'il perd leur religion? C'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Cadeau. Biscuit. Oui, je vois ça. C'est un groupe. Ils ont l'air délicieux, non? T'as pas envie de les manger? Ah oui. Oh là, mais ça a l'air d'une D'ailleurs, je vous conseille l'année 2021. C'est une très belle année. Je te jure, Adrien, tu vas apprendre à me connaître. Je suis très triste comme garçon. C'est un petit beurre. Ça fait des petits beurres. Pour moi, c'est des goûters chez les grands-parents. Ça a l'air très épais. Pour moi, le volume de la télé est très fort. Quand je mange ça. REM chocolat. Attends, j'arrive. Ah, il y a des REM chocolat. Ah oui, tu dis pas tout le truc. La vérité, c'est que c'est des rations militaires pour enfants. Ah oui, voilà, c'est ça exactement, mais on dirait ça. Ah oui, je vois REM chocolat. Oui, bah c'est un. Ça, c'est deux petits beurres et un peu de chocolat au milieu. Bah c'est un peu un. Pas compliqué la vie. Un petit écolier. Non, mais petit écolier, beaucoup plus sympa que ça. Non. Tu peux pas laisser dire ça. Non, mais c'est le petit écolier. Je peux te laisser dire beaucoup de choses, mais pas ça. Non. Il va trop loin. Il a le bon goût, le petit écolier, de n'avoir qu'un seul petit beurre. Donc l'équilibre, là, ça a l'air d'être. Moi, ça me fait pas envie. Je te le dis, ça me fait pas envie. Si on refait un épisode ensemble, je vous en ramène tous. Ça me rappelle ce. Il réserve sa place pour plus tard. Ça me rappelle ce goûter. En promettant des gourmandises. La prochaine fois qu'on se revoit, on va bien se recroiser dans notre vie quand même. Bah je garde des REM sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Comme ça, le jour où je vous croise, je vous en donne. Mais je vous jure, je crois qu'on a effectivement fait sans goûter. Il y avait même pas les REM. À quel point c'est pas. Il y avait même pas les REM. C'est vrai, c'est vrai. Pas, hein. Mais moi, j'adore ça. Ça me rappelle ces goûters atroces que je mangeais chez Jean-Loup Fonty, où il faisait, sa mère faisait des, attends, des on tartines. Est... Oui, c'est un blaze d'un, oui, oui, d'un pote à toi. Oui. Tartines, beurre, chocolat en poudre saupoudré sur la truc. Immonde. Délicieux ça. Au micro-ondes. Au micro-ondes. Ça me faisait tousser, elle en mettait trop, c'était horrible. Non. Je détestais ça. Bah oui, parce qu'elle mettait pas au micro-ondes. Bah non, micro-ondes, c'était sec. Tu sais, t'avais la poudre de chocolat dans la bouche. En plein soleil sur un capot de bagnole. Là, c'est délicieux. Et ça, c'est en tôle, ça. C'est sur le bord de la fenêtre. Et tu le coupes avec une brosse à dents que t'as frotté contre un mur. Ouais, je l'ai pas mangé comme ça. Et vous, les gars, vous avez pas dit vos goûters? Bah, Adrien, toi, je crois que c'est. On en avait parlé il y a pas si longtemps. C'était les bonbons, je crois que toi, qu'on avait dit. Ah oui, alors vas-y, ton petit goûter préféré. Non, moi, parce que moi, je suis vegan, donc c'est un peu compliqué. Il y a peu de gâteaux qui le sont. Si, les Oreos, moi, du coup. Ouais, les Oreos. C'est bon, hein, ça. Super en bon. Parlant de goûter, on est dedans, là. T'as ramené ta petite gourmandise. C'est adorable. C'est délicieux. Les Oreos, c'est vegan. C'est vegan. Parce qu'en fait, on pense que l'espèce de pâte blanche au milieu, c'est du lait, mais en fait, c'est juste. Du sucre. Ah ok. Purement du sucre. Je crois que on pense c'était une théorie globale mondiale. Non, on mais suppose. Moi-même qu'il n'y a surpris, pas de lait. J'étais surpris quand je l'ai appris, mais non. Ouais. Donc c'est vraiment bon. Ça reste pas du tout bon pour la santé. Hein, mais, ouais. C'est, mais c'est vegan. Les goûter, c'est rarement voilà. Oui. Comment ça dire, je mange une bonne banane pour le goûter. Bah non, on cherche des trucs dégueulasses, ça, la biscuit. Ça m'arrive. Non, moi, écoute, je suis Kinder Bueno White. Tu l'as vu en arrivant. Moi, je suis un peu addict à ça. Il y a une très bonne alternative vegan au Kinder Bueno qui existe. Mais c'est vraiment de niche, faut aller dans des boutiques et tout. Mais ils ont très bien reproduit. J'imagine qu'à Angers, il y en a au moins deux ou trois. Parce que c'est pas vegan le Kinder Bueno. Je tombe des nues. Et j'imagine que la barre de Kinder vegan est à 27 euros également. C'est plus cher, c'est sûr. On a pas l'âme ou le pas à l'âme. Mais je pense que Kinder Bueno, c'est même pas végétarien. Oui, oui, non, c'est. Il y a forcément, il y a du porc en fait. Il y a tellement truc de l'écureuil. L'aéroport international de Kansai à Osaka détient un record bien particulier, je vous demande lequel. Nombre de crash ? Non. De suicide ? Non. Plutôt un truc bon délire. Hein. Je vous sens parti sur un truc un peu bad vibe. L'aéroport en général, c'est. De magasin ? Pas de magasin. Ah, de restaurant ? Non, pas de restaurant. Ah, je trouve plus le terme. Non, c'est pas ça, donc c'est nul. C'est pas de siège, c'est pas un nombre de choses à particulier, c'est vraiment quelque chose. Un flash mob, ouais, c'est ça que je voulais dire. Un nombre de flash mob qui ont été faits. Non, c'est vraiment. Ils ont. C'est les meilleurs du monde en un truc. Toilettes ? Voilà. Pas les toilettes. C'est un service proposé ? Oui, exactement. Ah, c'est le massage. Enfin, un service qui est dans tous les. Non, un service qui est dans tous les aéroports, c'est le concept de l'aéroport. Les salons lounge ? Pas les salons lounge. Service de sécurité ? Pas le service de sécurité. Les points relais ? Pas les points relais. Oh, je les adore. Moi aussi. J'adore les points relais. Alors, je ne comprends pas pourquoi les points relais d'aéroports sont si pauvres, oui. Alors que les points relais de gare sont sublimes. Moi, je sais pourquoi. Alors, dis-moi. C'est qu'à mon avis. Vu qu'on doit répondre à une demande internationale et qu'on peut pas, oui. Bah ils ont décidé de n'avoir rien à foutre. De faire des choix. Ouais, ouais, ouais, d'accord. Vous parlez de la marque relais, là où j'ai acheté mes écouteurs filaires ce matin, 59 balles. Ok. Relais, mais c'est relais tout court. Oui, c'est relais. Relais, c'est pour les colis. Moi, je comprends pas pourquoi il y a pas obligatoirement une pharmacie dans chaque aéroport. Ah, y a pas. Bah pas obligatoirement. Ouais. Bah il devrait quoi, parce que genre moi par exemple, parfois j'ai peur de. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu. Déjà, je prends quasiment jamais l'avion, mais c'est vrai que les premières fois que j'ai pris l'avion, j'ai dégueulé ma race. Ouais. Et du coup, là, j'avais pas le temps de. J'ai pas eu le temps de m'acheter des trucs pour le mal de l'air. Bah foutez une petite pharmacie. Ou ouais, y en a une à Roissy 2, mais voilà. Et arrêtez de mettre des McDo en revanche. Moi je suis allé, oui. J'ai pris l'avion ce week-end. Ouais. Je vois vol à 13h30. Mais bien sûr. Donc tout le monde s'est fait un McDo. Je me suis dit, mais tout le monde va chier, des trucs infâmes. C'est vrai, j'allais au Québec, le vol dure 7h. Bah évidemment, une odeur de merde pendant tout le voyage. Et aussi, mettez des masques si vous êtes malade dans l'avion. L'avion. Sinon, c'est porc, sinon, c'est un carnage. Et des douches dans l'aéroport, ce serait trop bien parce que. Tu n'as plus de maison. Non. Et puis un petit coin pour moi. L'autre fois. C'est vrai. Sourire aussi. C'est pas ça pour moi, même si vous n'avez rien. Ça coûte rien, un sourire. Non, j'allais raconter l'anecdote, mais je parle trop de moi, non. Non, t'es là pour ça, enfoiré. Oui. Bon, alors. Du coup, non, mais en fait, une fois, je revenais de mon spectacle à Montréal, du Canada aussi, comme t'as fait, et j'arrive, et Maxime, parce que là, ils n'ont rien à foutre de ma vie, ils font des tournages. Non, ma prod, faut faire s'en branle, franchement, de sa fatigue. J'ai une indispo en décembre pour un spectacle que je joue. On doit aller à New York pour des tournages, il me faut arriver et il a le droit d'être énervé. La veille, alors que j'ai tout dispo tout le reste du temps. Quoi ? Ouais, ouais. Là, je te... c'est de ça que tu parlais tout à l'heure quand tu dis en ce plat. Ouais. Bah, je... oui, là, ça, d'accord. Je me serais plein aussi. Ouais. Après, je mesure la chance que j'ai de faire le métier que j'ai, mais. Mais ce genre de truc, ça peut être chiantos des fois. Et du coup, j'arrive et eux, et lui, j'arrive du Canada, j'ai fait ma tournée, tout le monde, ça fait 6 ans qu'on sait que je vais jouer à ce moment-là. Donc, je rentre et tournage le jour même à Paris avec un concept, celui qui s'éloigne le plus loin de la Tour Eiffel a gagné. Pour pas que je sois trop bougon, c'est Maxime qui me prend dans son équipe parce qu'il sait à peu près me canaliser. Sinon, les autres, clairement, je chie sur leur famille pendant 10 heures de tournage. Je m'en branle des voitures, Étienne. C'est nous. Un résumé de nos conversations. C'est fou. Et du coup, j'arrive et en fait, avant. Pour pas trop poquer du derche pendant le tournage, je suis avec ma grosse valise à Charles de Gaulle et je viens d'atterrir et j'ai pas dormi une seconde dans l'avion et je cherche une douche partout et je vois que sur Google Maps il y a une douche quelque part et je suis prêt vraiment à payer vraiment aller jusqu'à une douche, mais en fait on sait pas, elle est sous l'Arc de Triomphe. Bah, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé parce qu'en fait il y en avait une et il fallait avoir un billet pour bref. Pour prendre une chambre de l'hôtel, voilà. Ou être en business ou des trucs comme ça. Ouais. Et ben, je crois que ce qui est triste dans toute cette anecdote, c'est qu'elle s'arrête là. Du coup, il n'y a pas tellement de fin, mais voilà, chiant. Alors, moi j'ai une petite anecdote avion aussi, c'est que donc à force, à une époque de ma vie, là, il y a 2017-2018, je voyais beaucoup, puis j'avais accumulé les points de fidélité. J'adore, nice. By the way, j'adore la planète. Super concept. Et je voyageais dans différentes classes finalement. Ouais. Puis je me retrouve en écho après 2-3 ans. Ça m'arrivait encore finalement pour me reconnecter mais un petit peu. Simple. Au terre-terre, j'y suis resté simple. Bon, écho premium. Hein, mais sauf que j'avais le grade Air France Ultra Silver Premium, trop de mots. Ouais. Et quand il se passe ça, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie, c'est-à-dire les gens qui ont premium, silver, ultra, machin, ne vont plus jamais en écho. Ouais. Il se trouve que ça m'arrive, et je me retrouve en écho au milieu de tout le monde, donc voilà, super. Et il y a une hôtesse qui arrive et qui dit « Monsieur Chabroux, devant tout le monde, un verre de jus d'orange ou un verre de champagne ?» J'ai regardé mes chaussures, et puis voilà. Mais ça ne nous dit pas. Ça ne nous dit pas ce qu'on cherche. Oui, dans l'aéroport international. Eh bien oui. Quel service ? Osaka, t'as dit ? Osaka. Des tap-tops ? Pas des tap-tops. C'est vraiment dans l'aéroport. Ils sont très forts. Vous prenez l'avion. Tous les aéroports. Vous prenez l'avion. Qu'est-ce que vous faites ? Le service bagage là. On mange. Alors le service bagage. Le check-in. C'est le service. C'est autour des bagages. Le retour de bagages là. C'est au niveau des bagages. Le transport de bagages. Ils ont beaucoup de tapis de bagages. Non, c'est pas ceux qui ont le plus. C'est ils sont les meilleurs. Il y a des types qui prennent ta bag, ta des valets. Alors non, il y a. Enfin, ne pas, balance pas tes bagages dans l'avion. Comme c'est juste ça. Merde. C'est juste merde. Tout simplement. C'est les seuls à faire ça. Alors, c'est lié au bagage. Vous êtes vraiment pas loin. Hein. C'est le meilleur service qu'ils peuvent offrir. Pas ça va plus vite, mais. Il y a des massages pour bagages. Il y a pas de massage. Ça peut être le titre, ça, attention. Non, c'est... Ça te prévient quand ta valise, comme ça, t'as pas besoin d'attendre debout. Vous allez détester, je vais vous le donner. Allez, donne, allez. C'est tout simplement l'aéroport qui a le moins perdu de bagages du monde entier. Car ils en ont perdu zéro. Ah oui. Waouh. Comme quoi c'est possible. L'aéroport national de Kansai, qui dessert la métropole japonaise d'Osaka, donc affirme ne jamais, jamais avoir égaré de bagages de poussettes ou le moindre sac en 30 ans d'activité. Poussettes. Parmi les plus fréquentés du Japon, humain. Avec un trafic de 5,9 millions de passagers, donc c'est pas juste. Genre les chiffres sont bons parce que c'est mais un petit aéroport. Rien, même pas un Bézanville, un tote bag. Non, allez, rien. S'il vous plaît, soyez humain. L'aéroport de Kansai a été classé cette année meilleur aéroport du monde pour la livraison des bagages par l'organisme de notation Skytrax. Tout le monde à l'aéroport du Kansai en est fier, déclare Benoît Rulot, co-directeur général de l'aéroport japonais. Nous contentons de suivre les procédures et les règles de. Voilà, c'est là. Il a la victoire modeste. Bah, quoi, incroyable. C'est normal, c'est juste normal en fait. Attends, il est pas très japonais comme. Benoît Rulot. Ouais, non. Crois pas. Après l'agrandissement de son terminal 1, la plateforme vise 40 millions de passagers par an, un trafic porté par l'exposition universelle qui se tiendra à Osaka en 2025. Allez, j'ai une petite anecdote bagage, ça va aller très vite. Vas-y, j'arrive pour un salon, c'était aux États-Unis. On est tous devant le tapis à attendre les bagages, le 4, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient. Et j'étais avec tout le même groupe, on partait à plusieurs, voilà, de la tech, etc. Et tout le monde 3, reçoit. C'était le 3 ? C'était complètement le 3. Et ils reçoivent tous un message devant le tapis de Air France, tu sais, un SMS qui dit problème d'orientation de bagages. Donc tous les bagages sont partis à Singapour, j'en sais rien, tu vois. Et donc là, tout le monde est lessivé. Moi, je suis un petit peu en retard. J'arrive face à ce groupe qui est devant le tapis en disant bah, on a personne à ses bagages, personne à ses bagages. Ouais. Et il y a le petit piou-piou, le petit gyrophare qui s'allume. Le tapis qui commence, vous avez la suite de la vanne. Hein. C'est ma valise toute seule qui arrive devant tout le monde. C'est globalement les mêmes mécaniques, hein, mes anecdotes. Elle prend la parole, elle dit Monsieur Chabrou, vous voulez du jus d'orange ou du champagne? Voilà, certainement un employé d'Osaka qui avait traité le. Je sais pas. Ah oui, il y a 3 bouteilles de vin et 3 jus d'orange dans la valise. Ah, non, t'as beaucoup de chance. Oui, t'as oui, beaucoup là, de chance. Oui, oui. C'est du travail, moi. Non. C'est pas la chance, c'est pas la chance. Mais d'ailleurs, j'en profite parce que moi j'ai pris la main pour aller à Montréal et je salue parce que du coup j'ai rencontré plein d'auditeurs du Floodcast québécois. Mais oui, j'ai un petit cadeau pour toi, Adrien. Ouais, ouais, ouais. Alors tu vas voir, c'est marrant, c'est un cadeau qui est lié à ce que je voulais dire. C'est une auditrice qui a offert à Frankie, ton chien, un petit jouet. J'aime la poutine. Mm-hmm. Donc tu viens de me spoiler poutine. Le cadeau. Je viens de te spoiler, c'est pas très grave. Il est pas emballé, hein, non plus. Hein. Oui, non mais quand même. L'article là est important. Il est pas emballé. J'ai quand même détesté. Hein. Ce que je veux dire. Je me permets. C'est que pour l'intérêt d'un cadeau, c'est quand même de le découvrir. Tu m'as dit ce que c'était. Et de l'avoir pour soi aussi le cadeau. Attends, c'est là. Non mais ça dit des choses sur l'humain. De découvrir le cadeau, c'est important que de l'avoir. Bah, c'est pour la ça surprise, qu'on a inventé le papier surprise. Cadeau en fait. Bah là, y a pas de papier cadeau non plus. Oui, j'entends, mais bon. Bref, de la dire, hey, à Noël, je vais t'offrir ça. Oui, bah c'est nul. Plein de gens. Le concept de liste de Père Noël. J'aime bien quand il s'énerve. Ça me plaît beaucoup. Bah. Donc, ils sont très fiers de la poutine là-bas, ce qui permet d'avoir des scènes un peu marrantes où dans la rue il y a des t-shirts I love Poutine. Ah oui, ce qui est toujours un peu particulier. Oui, oui. Voilà. Et ils détestent la langue anglaise également. Moi, je me suis fait engueuler par un vieux à la FAQ parce qu'il y a une chanson en anglais dans mon film. Voilà. Ah, je pensais que tu avais juste dit je suis cool. Eh oh, non, je suis détendu. Tu es à l'aise dans la société. et du coup. Mais en plus, c'est faux parce que. Il y a un groupe mais ça dépend québécois des gens, qui s'appelle les Cowboys Fringants que bien j'écoutais sûr. Quand j'étais jeune. Il y a vraiment un mot anglais à chaque phrase. Ouais, ouais. Non, mais il y a plus plusieurs. Que nous, quoi. Il y a plusieurs. Voilà. Les vieux nous emmerdent. C'est ça, en gros. Peu importe leur place dans le monde. Ouais. Et du coup, les KFC s'appellent les PFK. Ouais. Parce que c'est les poulets frits du Kentucky. Ah, ils n'ont pas les PZK. On dirait une équipe de hockey. Juste autre chose. Mais voilà, je salue vraiment des auditeurs que j'ai vus là-bas parce que vraiment. Ça m'a donné envie de rester plus longtemps, je suis pas resté très longtemps. T'as mangé de la poutine ou pas? Pas du tout. Okay. Mais pareil, exceptionnel. Parce que j'avais pas envie de poutine. Et on est d'accord que c'est genre des frites avec une sauce dessus. C'est quoi. Très lourd, j'ai l'impression. Et un peu de fromage, oui, c'est pas. Ouais. Après, c'est facile pour nous, il fait pas moins 40. Oui, oui, peut-être. On n'a pas besoin d'avoir une surdose de calories pour faire face à l'hiver. Mais... Ouais, bien sûr. Bon, on est d'accord qu'en termes de gastronomie, c'est quand même un fan. Mais ils étaient quand même tous c'est d'accord. Prémâché, c'est prémâché. Non, mais ils étaient quand même tous d'accord. Et ça, j'ai trouvé ça beau de voir un peuple uni comme ça. J'ai pas l'habitude. Tous, ils te disaient le même resto. Il fait faut que t'ailles à la banquise. C'est ouais, la banquise. Poutine, ouais. C'est la poutine. Et tu peux y manger 24h sur 24. Ce qui m'a fait rire si à 4h30 du match, j'ai envie de me faire une poutine. J'ai donc le côté 24-24, soit dans les avantages. Pour moi, les intramuros, ils disent la banquise, c'est pour les touristes. Aller plutôt. Ouais, c'est leur tour Eiffel, hein. Tu vois? Peut-être j'ai vu l'équivalent, enfin peut-être qu'ils voulaient me faire plaisir en tant que touriste. Ah moi, oui, j'étais un homme touriste. J'avais... Je croyais que même sur ça il n'y avait pas consensus, mais peut-être ça a peut-être changé. J'avais un t-shirt avec un caribou dessus. Est-ce que tu jouais forcément abusé. De là-bas. Je suis arrivé, j'ai imité Céline Dion. Ils ont adoré. Bon. J'ai fait, je suis baba content d'être là, mon René. Ils ont fait, putain, mais il est hilarant ce français. Tu le fais si bien. Il est hilarant ce français. Il a tellement bien capté c'est notre culture. C'est le nouveau Laurent Gérard pour moi. Le groupe Indochine, vous connaissez bien sûr. Évidemment. Bah oui. J'ai pas demandé à la Lune pour savoir. Oui, oui, oui, oui. Oh, mais toi, t'es vraiment un aventurier. Ouais. Oh, c'est pas chanson ouais. Alors, ils vont proposer un truc un peu surprenant à leurs fans. À votre avis, que vont-ils proposer à leurs fans sur Internet? C'est quelque chose qu'ils ont mis en de place. De choisir sur leur... la nouvelle coupe de cheveux. Je tente. Non. Non. De Nicolas. C'est ouais. Un truc en rapport avec l'écologie, non? Pas en rapport avec l'écologie. Ils sont très genre en mode l'eau. Rangera. C'est non, forcément c'est pas écologique. Marrant. Des emojis. Ou... C'est pas marrant, c'est surprenant. Genre choisir le nouveau single? Non, pas le nouveau single. Pas des emojis, t'as dit? Des emojis, j'ai dit. Ouais. J'ai dit emoji d'abord. Ouais. Tout le monde m'a ignoré. Ouais. J'ai dit, je vais tenter un jeu de mots avec Indochine, emojin. Oui, ignorer une deuxième fois. Tu m'as demandé de répéter, je l'ai redit, puis bon, c'est. On est, voilà, on oui, est dans le fraîcheur. Constat que la blague est pas dingue. Il y a une fraîcheur qui a été perdue, je sens que c'est ça que t'as bien, mais. Surtout qu'à la base, c'était pas de, non plus fou, quoi. Vous avez. C'est mes moments préférés. Malheureusement, c'est mes moments préférés. Mais Adrien, vous avez une rage incroyable. Ouais. Une pugnacité. Je suis intransigeant. C'est un truc où les fans peuvent participer. C'est la pochette. Pour apparaître pendant le concert. Ah, parce que... D'une certaine manière. J'ai déjà vu ça sur un autre groupe, moi. D'envoyer quoi, genre des... Des petites vidéos 2 et ça apparaît pendant une des c'est chansons. C'est lié à ça, mais alors, plus précisément, c'est pas Twitch. Des vidéos 2. T'as juste dit Twitch, là, tu fais attention à des mots au hasard. C'était pour choper. Non, mais genre, ils retransmettent la en live. Oui, ils retransmettent en live sur Twitch et il y a le chat derrière. Ce serait très dangereux. Horrible. J'y serais, évidemment. Il leur a demandé de se filmer. Des photos. Alors, des photos. C'est des photos. Mais c'est pas des photos de eux. C'est des photos de qui? D'Indochine? Non. Ça, je l'avais vu pareil. Je crois que c'est les Beastie Boys qui avaient fait ça. Genre, c'était un concert. Ils avaient donné plein de caméras au public. Ils perdent jamais aucun bagage. Jamais, jamais, jamais. Le groupe Indochine? Jamais. Des photos de. Attends, moi, je suis perdu. Attends. C'est des photos. De posters. Mais pas des gens eux-mêmes. Pas des fans eux-mêmes. Et pas de Indochine, des photos de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre, et je vous demande qui. Et c'est une personne. C'est, non, c'est des gens par rapport aux fans. Un certain type de gens. Des gens qui ont un t-shirt d'Indochine dans la rue. Pas des gens qui ont des. Non, pas, pas, c'est, j'aime des bien. Des photos un peu. De lune, du coup. Pas des photos de lune. Des singes. À qui j'ai demandé déjà. Ah oui, pardon, à la lune, effectivement. En fait, c'est parce que Nicolas Sarkis, c'est très vieux. C'est donc les il paroles. Des images qui lui rappellent les paroles des chansons. D'ailleurs, sur les prompteurs, c'est des emojis. Des emojis. Il y a un éclat de rire. Ouais. Bah, le public est conquis d'avance. Alors, c'est une photo. Parmi vos proches, il y a qui? Il y a les proches. Les parents. Pas les parents. Les grands-parents. Les enfants. En fait, ça peut être ces gens-là. Les grands-parents. Non, ça peut être ces gens-là. Les échographies. Les chiens. Non. Les animaux de compagnie. C'est eux, bébés. Par rapport à Indochine. Là, des Chinois, ils sont un peu. Les Chinois ils sont un peu brossons, ils sont un peu sombres des fois. Des morts. Envoyez des photos de gens morts dans votre entourage. Eh ben, let's go. Alors, de leur vivant. La photo. Oui. Okay. Non, mais c'était pour. C'était pour préciser un petit point contractuel. Malheureusement, les fans n'ont pas compris. Et le dernier concert a été très très compliqué. Il y a eu une sale ambiance. Il y a eu un ventre mou. Indochine va ponctuer sa tournée Arena Tour d'une initiative inédite. Okay. C'est très émo, hein, là. Okay. Ah, c'est émo. Des merdes, non. Et Mylène Farmer doit être deg de pas avoir l'idée, je pense. Oh non. Donnez-moi des fœtus morts. Attention, Mylène. Attention, Mylène. C'est pas l'escalade. Il faut pas toujours. Des gens que j'ai tué moi-même. Non, Mylène. Je te jure, t'es à cran. Elle, c'est son goûter préféré. Tu vois. Donc, les fans de Nicolas Sarkis pourront diffuser les photos de leurs proches décédés. Un diaporama projeté lors du morceau Annabelle Lee. Comme annoncé sur le compte Instagram du mythique groupe de rock, des portraits qui seront envoyés en amont sur une adresse mail fournie par les musiciens qui sont diffusés lorsque le titre résonne. Quelle horreur. C'est trop bizarre. Bah, c'est ça, mais d'accord. C'est trop bizarre. En fait, ça pourrait être un bel hommage, mais c'est le côté organisation. La logistique est chiante. Non, mais en plus, pardon, mais quelle vérification est faite? Ah non, c'est ça. Je vais envoyer. Pas mort. C'est tout. On peut toujours le faire ou pas? Tu peux. J'envoie ma photo. Attends, avant de faire ça. Vous, auditeurs, ne le faites pas. N'envoyez pas, ne trollez pas Indochine. J'envoie ma photo et on peut... Mais... c'est un peu difficile. Comme il est mort, et moi, genre... et deux pouces en l'air. Putain, je le fais. Non, mais... Adrien va peut-être le faire. Auditeurs, ne le faites pas, s'il vous plaît. Par contre, si vous êtes au concert d'Indochine et que vous voyez Adrien sur le mur, prenez en photo. Absolument, il faut qu'on ait ça. S'il vous plaît. Mais remarque, est-ce que c'est pas un peu irrespectueux pour les enfants? Si, de vous, vas-y, fais-le. Qu'on se comprenne bien, que tu le fasses ou pas, ça va être fait. Je veux dire, c'est statistiquement obligatoire. Ouais. Je suis navré. Je vois pas comment c'est gérable en fait. C'est clair. Laurent Gérable, bien sûr, évidemment. Après, ils précisent quand même dans leur communiqué. Le communiqué précise que les photos envoyées ne doivent montrer que les défunts. Meilleur concert de votre vie, chacun autour de la table, je sais qu'il y a du Zikos en plus. Donc, votre concert que vous avez préféré. Ok. Je vous laisse Thomas, est-ce que toi tu l'as un peu en tête? J'aime bien Future Island, je sais pas si. Ah, je ne connais pas, c'est quoi Future Island? C'est quel genre? On dirait que t'as inventé le nom. Ouais, bah ça me fait chier du coup parce que je m'étais dit. Non, mais peut-être que des gens. C'est une sorte de reco que tu fais un peu sur le côté. Ouais, bah c'est un. En fait, c'est rigolo, c'est un groupe américain et genre Christophe, défunt chanteur, était fan. Et du coup, il les a ramenés à Vivement Dimanche. Et en fait, la particularité de Future Island, c'est qu'il y a un chanteur qui danse d'une manière très organique sur ses morceaux et c'est magnifique à voir l'intensité qu'il met. Et tous ces musiciens derrière sont très calmes. Non, plus ou moins. Non, c'est l'inverse. Mais non, mais en fait, je vous jure que vous. Il y a forcément un petit morceau que vous avez déjà entendu. Ah ouais, c'est pas un groupe pas connu. Mais en tout cas, il a vraiment son public. Je sais pas quel genre de salle ça fait à Paris. C'est drôle que tu dis ça. J'ai un souvenir de Michel Drucker où ils avaient invité Pascal Obispo et lui avait ramené le groupe Playmo. Je sais pas si vous vous souvenez de Playmo, qui est un groupe de néo-metal. Et donc il y avait Playmo devant Michel Drucker. C'est un peu marrant. Donc Future Island. Ouais, donc c'est quoi? C'est du la pop. Ouais. Et pourquoi meilleur concert désolé, tu les as pourquoi désolé surtout. Pourquoi t'as dit désolé? Tu voulais dire Beyoncé c'est... Non, en fait j'aurais mettre dans un la peu... tête de Thomas c'est niveau Muse. Bah ouais. Non mais en popularité ouais, on a eu ce débat et j'avais dit tu sais c'est pas tant connu quand même. Non, c'est sur Arcade Fire qu'on a eu ce débat. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. My bad. Et donc Maxime, meilleur concert? Alors t'as il y en a plusieurs. Ah, c'est très très dur, mais je les enfoirais 2006 quand même. J'y étais vraiment. Mais sur scène, pas le choix. J'ai vu Johnny. J'ai vu Johnny à la Beaujoire avec Yannick Noah en première partie. Donc quelque part, je vous emmerde. Pas mal. Et ensuite, non, je vais dire, c'est que très vu avant tes 60 ans. Et... Non, bah Parcells au festival Beauregard là cet été. D'accord. Mais tu vois, Parcells, je connais pas non plus. Donc je suis vraiment. Ouais, c'est devenu mon top 1 là, et ça c'est pas détrônable depuis 2-3 ans. Et donc c'est quoi pareil, c'est du rock? Bah, ça ressemble un peu à Future Island. D'accord, okay. Vraiment. J'espère qu'il le vendra mieux du coup. Non, oui, c'est du rock, c'est de la guitare, hein. C'est de la guitare, c'est de la cocotte. Comme c'est de la guitare. Voilà. Mais je sens qu'il y a des blousons en jean autour de la table, ça. Il me semble. Je vois ça, j'ai l'impression. Ok, très bien. Adrien, toi, ton concert préféré? Moi, je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'était le concert. J'étais allé voir les Beastie Boys en concert. Mmh. Oh, la chance, hein. En première partie, il y avait Asian Dub Foundation et Fatboy Slim. Waouh! Wow. Il y a des samedis soirs plus tristes. Ça va, ouais. Sachant que moi je suis pas très concert, mais c'est vrai que là c'était assez incroyable. Parce que Fatboy Slim en première partie. Ouais, il était revenu pour jouer avec eux ou pas? Parce qu'ils avaient fait une super chanson ensemble. Body Moving? Ouais. Peut-être, ouais, je sais plus. Je me rappelle plus. Bon, trop bien. Et grosse salle ou? C'était. Ouais, je sais plus. Petit Zénith, je sais plus. Ouais, peut-être même. Peut-être Bercy. Non, peut-être pas. Ouais, je sais plus. Vous êtes quel genre de Bernard? Moi, il y en a eu plusieurs. Ouais, Souchon, allez, c'est bon. Ouais, Souchon, c'était bien. J'avais adoré Alain Souchon. Non, mais tu sérieusement en plus? Ah ouais? Oh là là là. Mais ouais, mais j'avais. Non, Souchon, ça m'a touché de voir l'énergie et la puissance à cet âge-là. Enfin, tu sais, il y avait un peu un truc de. Non, bah, non. Si, je te jure. Tu t'es trompé de concert, hein. Puissance, énergie, Souchon. Souchon, je suis bidon. Putain, quel claque. C'est le mec qui arrive en dragster avec une guitare électrique, Souchon. Je confonds pas. Non, si. Bon, bref. Moi, je vais même pas continuer parce que je vais me faire couper. Non, je pense que tu vas. Allez, t'arrêtes ta gueule à la récré. Puissance, énergie, Souchon, c'est. Bah, si, bah, je te le dis. Bien sûr que non. Là, récemment, Moby, j'ai trouvé ça génial. C'est génial, Moby. Ouais, j'avais vu. Moby, encore une fois, une puissance et une énergie, quoi. Et bah, y a des meufs qui font du gospel. Oui, bah, elle, oui. Et bah, oui, c'est elle. Mais il du coup, les bouge, Moby, quand même. Ah ouais? Ouais, lift me up. Il est mobile, tu veux dire. Oh là là, bien joué. Il est mobile, ouais. Ouais, non, mais quoi. C'est toi. C'était pas si c'est tout ça, je suis en train de. Ah d'accord, je suis en train. Je crois que c'est toi qui as dit Moby. Non, non, c'est pas moi. Mais c'est quel genre Souchon pop rock? Non, et après, moi j'ai eu des grandes années métal. Donc quand j'écoutais du métal, c'est vrai que les concerts de métal, il y a toujours une énergie. Je me souviens d'un Metallica où j'étais au premier en mode. Parce que justement, ça va venir à une autre question. Quel genre de public vous êtes en concert déjà? Est-ce que vous êtes fausse? Sinistre. Vous êtes grade? Ouais, moi, en ce qui me concerne. Quand vous étiez triste. Quand vous étiez plus jeune, déjà fausse, gradin, buvette. Buvette. Ah non, mais ça, il y a des gens buvettes. Il y a des gens buvettes. Moi, je deviens buvette. Moi, je regarde maintenant, je suis vraiment devenu un vieux monsieur horrible. Je vais sur le site Setlist FM. Pourquoi? Oui, moi aussi. Parce que les groupes souvent font la même setlist et c'est bien normal. Et si je vois qu'il y a 2-3 chansons. Je les aime un peu moins, je m'en fous un peu plus. J'adore aller à la buvette pendant, aller pisser, faire ma petite vie. T'as créé ton propre tract. Ouais, c'est ça exactement. Quel plaisir. Et ça, c'est la génération TikTok, hein, vous savez plus attendre. J'arrive plus. Et ça, j'adore. Ça, tu les écoutes en x2 pendant le concert ou pas? Il a entraîné son cerveau. Non, mais pareil. Je ne viens plus aux premières parties. Je suis devenu un peu ce mec-là. Je suis genre, c'est bon, j'ai pas votre temps. Ouais, genre, ça me fatigue, il est déjà tard. Ouais, toi, Thomas, t'es quel genre de. Bah, moi, tous mes copains se foutaient de ma gueule parce que j'étais très fausse et j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de festivals dans ma vie. J'étais bien placé. Je souffrais des genoux au bout du premier groupe, c'était terrible. Mais par contre, je regarde et je suis beaucoup dans l'analyse de tiens, le bassiste, il fait ça, du truc. Moi, je suis pas très rap et tout. J'aime beaucoup les corps, les ensembles. Ouais. Batterie, guitare, basse, etc. Et je regarde et je dodine à peine de la tête. Mais je kiffe à l'intérieur. Et franchement, les gens me font chier quoi. À me dire, ah, Thomas, t'es ridicule, tu bouges pas, nanani et tout. Et les gens, et mes potes, ils me jugent, mais. Tu écoutes la musique. Ah, mais je kiffe quoi. Ouais, ouais, je vois très bien. C'est chiant, j'ai toujours du mal. D'accord. C'est comme les gens qui t'obligent à danser à des mariages, mais c'est un autre sujet. Oui, ouais, mais ouais, ça me saoule. Quand t'es assis et qu'ils viennent et qu'ils prennent la main et pour aller quoi. Mais ça m'amuse pas. C'est dingue comme ça m'amuse pas. Je suis assez grand pour gérer ma propre vie. Je me sens ridicule quand je danse, mon corps, je l'assume à peine. Pourquoi toi, tu m'obliges? Je suis pissé dessus en plus. Oh, bon, là, peut-être Peut-être c'était un mariage qu'on a fait cet été. Enfin bon, bref. Maxime ? Moi, je suis plus le genre loge VIP et je, et je dois merci, faire une story pour payer ma place. Merci Live Nation. Non, en vrai, à la base, j'étais plus les petites salles, genre Stéréolux à Nantes, je sais pas si, voilà, ce genre de petits, les provinciaux. Ouais, la petite salle de 500 places. Le Shabbat d'Arles, ouais, les petites salles intimistes et premier rang, et par contre, très statique. Pas compatible avec le premier rang, mais je suis très d'accord. Ouais. Moi, je suis très observateur de tout, en fait, parce que tout m'intéresse, dès que ça se passe sur scène. Donc, je vais être très déconcentré. Il peut y avoir une super prestation, un super solo, ou un super moment avec Jean-Baptiste Meunier, puisque c'est mon concert préféré. Et je vais regarder un projecteur en me disant, dis donc, cette lyre, c'est le dernier modèle. Ouais, ouais. Ouais. Mais je pense qu'on est un peu. Parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure de quand le public applaudit, t'es pas genre, oh, j'absorbe le truc. Et c'est pareil, en fait, je suis pas trop à un concert à me dire, ouais, je me fais imprégner par l'ambiance et genre, je me mets à danser. Mais c'est vrai que je suis plus aussi. T'es un peu en troisième personne, quoi. Ouais, un peu un truc d'analyse de, ah putain, c'est cool parce que je suis dans ce contexte. Ouais. Et c'est une autre façon d'apprécier. C'est un truc d'artiste. On a le droit, c'est un truc d'introverti, quoi. J'ai une anecdote encore à très courte, mais Shabbat d'Arranger, justement. Ouais. Je vais voir Jeanne Haddad, j'aime beaucoup. J'y c'est vais. Jeanne Haddad, non ? Une chanteuse, si, je vois. Ah oui, Jeanne Haddad, voilà. Oui, et c'est vrai ou pas ? Oui, blonde platine. Exactement. Ah, putain, je crois que tu faisais une vanne. On fait semblant qu'on l'a. Ah oui ! Et je me dis, bah tiens, je vais être tranquille, ça va être full trentenaire, je vais être tranquille et tout. Et là, il y a un prof de musique qui a une idée super, c'est génial d'amener sa classe. Et là, tout le monde me voit. Et là, je leur dis, je suis bloqué, puis je pensais être tranquille sur là. Je fais bon, vas-y, on fait une photo collective, et puis on l'a fait. Et pas de bol pour moi, en fait, ils sont derrière et ensuite ils en ont rien à foutre. Et l'un des gros talents de Jeanne Haddad, c'est absolument formidable sur scène, c'est qu'elle use beaucoup des silences. Ouais. Il y a des vrais moments de ses pauses et bam, ça repart et c'est magnifique. Ouais. Bah, eux, ils parlaient pendant tout le temps et tout, ils m'ont flingué ce putain de concert. Alors que le prof de musique, à la base, il a une trop bonne idée. Franchement, j'ai pas eu de prof de musique. La culture, bien sûr. C'est assez cool pour eux, je pense qu'ils auraient pu aimer, etc. Mais en fait, c'était je suis trop jeune, ils en avaient rien à foutre. Ouais. Thomas Fay, le peuple de Judée. D'accord, mais après, on écoute. Hurle là quand tu cries là. Tiens, t'as ramené sans goûter, bouffelé. Non, mais je veux. Bois du démaquillant. Connard. Doucement là. Tu mais passeras bonjour et tes moustaches. Je te jure, c'est ça le pitch de ma série. Ah ouais. C'est un mec qui est trop connu, dans lequel je veux te faire le premier rôle du coup. C'est un mec qui ne peut rien faire tellement il est. Il est, tu vois, il est un peu loser, il a un peu une vie normale. Enfin, non, mais attention, dans le sens, là. On est tous. Non, mais tu sais, on a beau. Je pense que Eddie Mitchell, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Ouais, il a eu ses chiottes bouchées, il appelle le plombier et il y a un mec qui le fait chier dans la rue pendant ce temps-là, tu vois. Ouais. Et je voudrais un gars où c'est insupportable et il se dit jamais qu'il faut déménager. Voilà, c'est ça le. Bah, après, j'ai plein de gags. Hein. Futur Island. Toi, Maxime, tu fais un peu de musique aussi. Oui. Est-ce que tu pourrais avoir envie de jouer sur scène ? À fond. Bah, il fait ses petits yeux, Thomas, sur ma droite, parce que lui aussi. Non, je parle pas de ça, c'est parce que je sais quelles sont tes envies. C'est pour ça que non, je fais des musicos aussi. J'ai envie d'avoir une fin de carrière en faisant des tournées de bar. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'utiliser ma notoriété passée pour casser les couilles aux gens. Ouais. Mais pourtant, ça a marché sur tous les youtubeurs. Oh, bah, c'est un succès. Mais non, moi j'ai très envie de faire de la musique. Au fin fond d'un bar avec un petit groupe et plutôt du rock et voilà. Mais j'aimerais bien passer par l'électro avant. Enfin, c'est vraiment j'ai aussi cette envie, tu sais, de reset, de revenir à zéro. Ouais. Et quand tu reviens à zéro sur un domaine que t'as pas pratiqué de manière professionnelle, t'es forcément claqué, de chez claqué. Bien sûr. Et donc j'ai envie de repasser par cette phase là qui est forcément beaucoup plus honteuse quand t'as performé ailleurs. Mais c'est ça. Et comme si voilà. Donc mais j'ai très envie de faire ça et je m'imagine comme ça. Ouais. J'ai envie d'être le vieux gars qui saoule personne et qui fait ses petites tournées. Et ça tu me le dis depuis qu'on se connaît depuis ça fait 5 ans, tu me l'as toujours dit que t'avais envie et le temps passe, les gens tic tac et je me dis mais oh, va falloir réviser les lignes de basse. Non. Mais donc avec un groupe avec d'autres gens avec des potes, des vieux. Ouais. Trop bien. Génial. Ça trop bien. Tu joues quoi comme un. Parce que toi, on t'a vu Maxime jouer dans les vidéos, mais. Toi, je fais guitare, ukulélé, basse. Et avant, en fait, j'avais un groupe quand j'étais plus jeune. Et en fait, il s'avère que sur scène, moi, j'ai un pianiste avec moi. Okay. Et en fait, un spectacle ultra musical. Dans mon spectacle, il y a beaucoup de chansons dans mon spectacle. Et c'est des micro-chansons. En gros, je sais pas si vous avez vu les derniers spectacles d'Adam Sandler. C'est un peu. Ouais. l'idée que j'ai, c'est la même dispo. J'ai un pianiste derrière avec de la connivence. Ah, trop bien. Et les chansons, elles sont à prétexte. Il va y avoir trois phrases pour une chute et c'est fini. Okay. Et ça vient sans prévenir alors que je suis en train de parler. C'est ça que j'aime bien. Quoi. Ouais. Donc c'est tout le un côté peu musical. Bob Burnham aussi. Ouais. Un peu, à mort, mais en fait, c'est dur d'invoquer Bob Burnham, Adam Sandler. Ouais, ouais. Parce que je suis loin d'avoir le niveau, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ce qui me fait. Trop bien. Comptes-tu faire une capta de ce spectacle? Elle est faite, elle existe, donc j'ai décidé de pas la vendre à des chaînes et des plateformes parce que ça reste mon premier spectacle qui a grandi trop vite et c'est ça. Et j'ai un problème avec le. J'aime tellement la scène que j'ai un problème avec l'idée de. Là, je suis content d'avoir offert ça à tous les gens qui ont pris leur place, mais celui-là, je le montrerai à mes enfants. Ouais. Allez, je mettrai peut-être des extraits, mais c'est dur à isoler ce que je fais. Enfin, non, c'est isolable, mais je verrai. Mais je le garde plus pour moi. Ah, donc tu comptes pas le montrer même sur YouTube? Non, ou rien. D'accord. Non. Ah, c'est ma prod qui a fait la capta. Ouais. Et elle est sur des disques durs, là, il l'a pas regardé encore. J'arrive pas à le regarder, par contre. Ah, ça, c'est mon gros. Toi, t'es encore un peu dedans, peut-être qu'il faudra finir. Mais oui, non, mais il y a 6 personnes qui ont bossé pour tes gosses. Enfin, c'est juste ça. C'est juste ça que j'essaie de démontrer. Et on est d'accord que t'as pas de gosses. Voilà. Non, okay, j'en veux pas. Parce que j'ai pas envie qu'ils voient le spectacle. C'est juste ça. J'ai peur qu'ils aiment pas. Non, mais voilà. Et le deuxième, par contre, peut-être que. Je vais plus le taffer en me disant celui-là, il sera peut-être pour plus de gens. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, je suis hyper en colère de tous les gens. Bah, on parlait pour les films et tout, qui en un tweet ou en un truc peuvent dire ça, c'est de la merde. Alors, moi, c'est mon bébé, j'ai donné mon corps, je l'aime ce truc. Et en fait, je supporte pas. J'ai du mal avec un tweet qui te nique un spectacle, donc je préfère le garder pour les gens qui sont venus. On a tous passé un bon moment ensemble. Ouais. J'imagine qu'il y a des déçus, mais la plupart ont l'air d'avoir kiffé. Et voilà. C'est quand même pas du tout la même œuvre. Ça fait partie de ces rares œuvres qui sont diffusées de manière complètement différente. Ouais. Et donc potentiellement accueillables de manière différente. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc où, de toute façon, la capta, et peu importe le spectacle, ça sera jamais. Enfin, ça paraît absurde ce que je dis. Enfin, c'est une évidence, mais de toute façon, c'est toujours un peu en dessous. Parce que tu perds le truc live, tu perds le truc machin. Mais c'est marrant, Marocco de fin d'épisode, c'est un spectacle que j'ai vu sur Canal, tu vois, et j'ai adoré le spectacle. Bah oui, donc c'est possible. Et donc c'est quand même possible de, tu vois, passer un très bon moment. Je pense que je veux juste mieux pas l'avoir vu en live avant de le voir en capta, parce que là, tu vas comparer, ça va être fatal. Ouais. Mais c'est en ça que Adam Sandler, justement, dans son avant-dernier spectacle sur Netflix, il a tout niqué. C'est que lui, il a capté toute sa tournée. Ouais. Et donc, des fois, il commence une phrase dans une petite salle et la chute est dans un stade. Ouais. Et en fait, c'est malin parce que. Mais ça coûte hyper cher. Personne ne peut faire ça. Je crois qu'il a de la thune. Je pense qu'il s'en sort. il a dû gagner l'auto, un truc. Ouais, mais c'est sûr. Mais ça, c'est magnifique. Ça contrecarre bien le truc. Voilà, mais oui, c'est forcément un peu moins bien. Ça reste spectacle vivant, c'est dans le titre. Mets-le sur YouTube. T'as pas écouté, mais je peux vous l'envoyer en privé si vous voulez me juger. Moi je suis chaud. Moi je suis très chaud. Dimanche j'ai un trou en plus sur ma chaîne, donc je vais te faire. Quelle proposition de loi a été étudiée cette semaine? Une loi concernant les téléphones. Alors, en France? En France, proposée. Attention, elle n'a pas été votée, elle n'a pas été. Voilà. Est-ce que c'est sur l'utilisation des téléphones dans un lieu en particulier? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est sur le temps d'utilisation d'un téléphone? Ce n'est pas ça. Les photos? Pas les photos. Pour légiférer sur le hardware? Sur le. Non. Le software? Pas trop compris ta phrase. Mais je sais que sur c'est pas ça. Le matériel, pas logiciel quoi. Non, c'est pas ça. Ok. C'est sur l'utilisation du téléphone? Oui, mais pas toi sur ton téléphone, plutôt des gens. Ah, la confidentialité et tout du coup. Pas ça, mais dans l'approche. Quand il t'a montré en disant pas ça. Pas ça, parce que j'allais dire pas la confidentialité, mais. Ok, d'accord. Donc c'est pas du ressort de l'utilisateur. C'est plus. Non. On n'a pas le droit de. On en est plus victime qu'autre chose, nous, utilisateurs. Donc c'est les données? C'est pas les données. Mais ça veut légiférer pour que les constructeurs fassent quelque chose? Pas les constructeurs. Les prix des opérateurs, un truc comme ça? Non, pas le prix des opérateurs. Ça n'a rien à voir avec les opérateurs? Est-ce que ça a à voir avec la fonction téléphonique à base de. L'appel? Non. Ou c'est les smartphones du coup? Ah non, si, c'est l'appel, pardon, excuse-moi. Ah, c'est, ok. C'est lié sur donc des appels. On arrête les numéros masqués? Non, mais on s'approche. Quel bonheur. Qu'il n'y ait plus de répondeur? Pas non. Interdit de m'appeler. Adrien, on s'approche. Ah, on est droit à la liste rouge sur les 06. Ah, c'est mon rêve absolu, ça s'approche. Si, c'est pas exactement ça. Si quelqu'un t'a envoyé un texto, tu n'as pas le droit de le rappeler. Ah. Tu es obligé de le répondre par le moyen qui a appelé. C'est interdit d'envoyer le texto. Je peux t'appeler dans 2 minutes. Les gens qui disent par texto je peux t'appeler me rendent fou. Qui disent ce sera plus pratique au téléphone. Ouais. Sans dire sujet. Vu que je vais noter ce que tu vas me dire, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ou t'es dispo c'est le moment demain. Où tu hoches de la tête alors que je le fais. Non, moi un texto qui dit je peux t'appeler sur tel sujet, alors là vous êtes mon meilleur ami. Ah oui. Mais alors je peux t'appeler, faut te parler pour que je te parle d'un truc. Alors là, sans dire de quoi. Une haine. Est-ce que quelqu'un totale. Est mort? Est-ce que oui, ouais, c'est pas le degré. Moi, dans ma tête, c'est quelqu'un est mort, oui, je suis d'accord. Quelqu'un veut te tuer. Oui, oui. Et si c'est pas ça, t'es déçu après. Ouais, j'ai putain un rôle. Tu m'as gâché. Je déconne. Et est-ce que c'est pas. Au quotidien avec votre téléphone. Vous avez votre téléphone dans la main. Ouais. C'est quoi qui vous emmerde? Bah, quand on parle comme ça, les gens dans la rue, c'est chiant. Ah, ça, c'est sûr, mais ça, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui nous emmerde, mais chez les autres? Non, avec notre téléphone. Les ondes, ça peut nous faire chier tout seul dans notre chambre. Ah oui. Les ondes? Pas les ondes. La lumière, la luminosité. C'est la sonnerie, appels, hein, c'est lié aux appels. La sonnerie, pas la sonnerie. Les notifications. Le fait de les louper. Non, pas le fait de louper. Ah, est-ce que ça n'a rien à voir avec le fait que depuis la nouvelle mise à jour de iOS, on peut enregistrer les conversations téléphoniques? Ça, je ne savais pas, par contre, ouais. C'est fou. Le fait que ça ne capte pas tant ou... pas non, vous non. êtes à Paris, vous n'avez pas ces problèmes. Oh, le choc culturel. un truc qui nous énerve quand on est au téléphone à quelqu'un. Un type d'appel, voilà. Ah, les trucs de spam et de... Non, les enquêtes. Les démarcheurs téléphoniques. Okay, ouais. Ok. Une loi pour interdire la démarche téléphonique. Oh, une proposition de plaisir. Loi. Bon, après, oui. Visant à interdire la démarche téléphonique, l'objectif serait d'éviter les démarches téléphoniques abusives qui englobent parfois des arnaques. Oui. Cette proposition de loi a été étudiée ce jeudi 14 novembre par le Sénat. Cette méthode, plusieurs pays l'ont déjà adoptée. Par exemple, en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Portugal, c'est interdit le démarchage téléphonique. Mais c'est bien parce que du coup, si tu reçois un appel, tu sais que c'est une arnaque, quoi. Vu que c'est interdit. Globalement, oui. Oui, c'est ça, exactement. Ah, c'est trop bien. Bien avant la loi, le démarchage téléphonique était déjà dans le viseur de l'État. Il y a un an déjà, la pratique a été réglementée pour éviter les abus. Donc, ils sont autorisés à appeler qu'en semaine. Bah, en fait, c'est réduit, mais c'est pas fou. En fait, ils ne peuvent appeler qu'en semaine. Avant, ils appelaient aussi le week-end. De 10h à 13h et de 14h à 20h. Mais pas avant, pas après. Appel manqué, masqué, proposant de changer d'opérateur d'assurance. Le démarchage téléphonique est présent quotidiennement dans la vie des Français. Et selon l'UFC Que Choisir, 7 Français sur 10 se sentent impactés régulièrement par des appels de démarchage téléphonique. Et donc pour réglementer cette pratique, un sénateur de l'Aisne a déposé une proposition de loi pour interdire ça. Okay. Purement et simplement. Ouais, vous les imaginez plaisir. Comment les gens du UFC Que Choisir? Un peu comme ça, énervés autour d'une petite table. Bah, c'est ça, le mot UFC déjà, fait que oui, maintenant voilà, je les imagine oui. péter des tables oui, à coups de poing. C'est évidemment, évident. Mais voilà. Ils sont entre des cordes. Écoutez, c'est bientôt la fin. Non, de non, cette ça fait chier. Ah ouais, mais je sais que ça vous rend fou. Ça vous rend fou. C'est quand ton train de retour déjà? J'ai pas regardé l'heure pour ça. Faut que je regarde aussi, je sais plus. Toi, je dors ici, je sais pas si t'es prévenu. Mais comme à l'accoutumée, on va faire le tour de la table pour avoir les recommandations culturelles. Comme à chaque épisode, on propose aux auditeurs des trucs. Alors ça peut être film, émission télé, spectacle, livre, musique. Seigneur des Anneaux, les deux tours. Allez le voir. Bon movie. Voilà, peu importe. C'est pas forcément un truc récent. C'est juste un truc que vous avez apprécié récemment. Et j'ai envie de commencer par Adrien Méniel. Oui. Il était là depuis le début. Oui, c'était lui. Moi, j'ai maté une espèce de... Est-ce qu'on peut dire que c'est un documentaire? Oui, une espèce de mini-documentaire. C'est sur YouTube, sur la chaîne d'Arte, encore une fois. Mini-série documentaire qui s'appelle Silicon Fucking Valley. Ah oui. Et on suit... attends, j'ai cherché son nom. Et j'ai vu que l'épisode 6. Luc Julia. Luc Julia, qui est un ingénieur français, mais qui a, entre autres, inventé Siri. Ah. Et qui est un peu un personnage de la Silicon Valley, un petit peu cynique. C'est un perso de ouf. Ouais. Et en fait, on le suit lui, et c'est un peu pour dresser un portrait de la Silicon Valley, et pas forcément pour la caresser dans le sens du poil, parce que ça parle aussi de un peu de le fait que bah en fait, il y a énormément de travailleurs pauvres qui bossent à la Silicon Valley, genre les cuisiniers, les gens qui font le ménage et tout, mais ils n'ont pas les moyens de vivre dans la Silicon Valley, donc ils sont de plus en plus repoussés loin de leur lieu de travail, voire ils dorment dans des camping-cars et tout. Enfin bon, ça ne parle pas que, ça parle aussi de la tech et de l'histoire et tout, enfin les trucs qui sont aussi intéressants. Donc il y a ça, voilà, c'est sur YouTube, sur la chaîne d'Arte, c'est assez sympa. Et un compte Instagram qui s'appelle Prend un fruit. Okay. Si vous dites à quelqu'un prends un fruit, bah ça s'écrit comme ça, tout attaché. Okay. Et c'est vraiment Sophia Le Saffre, quand elle était venue, elle avait conseillé un compte Insta qui s'appelle Faune Cool, où c'est juste un mec qui dit voici les étoiles de mer que je trouve cool et machin. Et là c'est un peu l'équivalent, mais pour les fruits. Et c'est un jeune, je sais pas quel âge il a, il fait assez jeune. Et c'est juste un fou de fruits. Et il nous en apprend de belles sur les fruits, sur tel truc. Il nous en apprend de belles sur les fruits, je peux pas te dire mieux. Mais je ne savais pas ça sur la Mirabelle. Non, il est là, il explique les trucs, il dit ça, vous savez que ce qu'on appelle pamplemousse, c'est en fait un pomelot. Et en fait, le pomelot, c'est un pamplemousse parce que nanana. Il apprend plein de trucs, ça se voit qu'il est. C'est un juste fan passionné, de fruits, juste passionné, ouais. Et voilà, tu veux dire que quand il en parle, il a la banane par exemple. Je pense. Il a la pêche. sont plus canards. Un kiwi. Allez, j'ai rien. Comme trois pommes, il est haut comme trois pommes. Si. Il ramène sa citron. Ouais. La rue de Tabagar. Ouais. Il a bricolé sa chaîne YouTube à bricoler. Oui. C'est toujours bien qu'il faut redire le mot qui est dans le mot. Voilà. Et donc moi j'aime bien. Chaque fois qu'il passe, là, je regarde, puis j'en apprends de belles sur un fruit. Je suis content, belle, voilà. Il devrait appeler ça comme ça. Apprenez-en de belles sur les fruits. Thomas Dezer. Non, je vais vraiment parler d'un film de Jean-Christophe Meurice, le célèbre metteur en scène des Chiens de Navarre. Donc le film qui s'appelle Les Pistolets en plastique. Bien sûr. Qui là arrive en location actuellement et donc qui est une vision très absurde de l'affaire Dupont de Ligonnès, où on a trois timelines vraiment cool, où il y a toute la timeline Guy Joao, donc il y a un équivalent de Guy Joao, celui qui s'est fait reconnaître soi-disant en étant Dupont de Ligonnès. Il y a un des meilleurs moments du 21e siècle. Oui, ouais, pour moi, ouais. Et là c'est encore plus marrant dans le film que dans la vraie vie, ce qui était quand même un vrai challenge. Il y a qu'est-ce qui est devenu vraiment le Dupont de Ligonnès, qui lui se dort la pilule en Amérique du Sud, c'est trop marrant. Et il y a deux enquêtrices web, moi j'adore cette timeline là, deux enquêtrices web qui au début du film se font offrir un diplôme de meilleure enquêtrice Facebook par François Rollin, et il y en a une des deux qui pleure d'émotion et c'est trop trop marrant. Et il s'avère que hier sont tombés les prénominations des meilleurs espoirs. Des meilleurs espoirs féminins, masculins. Ouais. Et dans les féminins. Les Césars. Et dans les féminins, il y a. Delphine Baril. Qui est incroyable dans le film. Je sais pas comment le dire, ça va paraître péjoratif, mais incroyable de normalité. Ouais. Et c'est ça qui est génial, parce qu'elle a. Ils lui ont mis le physique normal people, quoi. Ouais. D'une enquêtrice web, elle joue trop bien et ça comparse aussi, en vrai. Il n'y a aucun sens que ce soit une plutôt que l'autre, en vrai. Mais c'est mérité. Et ce film, honnêtement, j'ai rigolé, mais vraiment tout du long. Mais je suis assez sensible au Chien de Navarre de manière générale. J'ai trouvé chaque tableau très très marrant, très intense, et à chaque fois j'avais peur au tableau d'après en me disant est-ce que ça va gâcher tout ce que je viens de voir, et non, jamais, c'est toujours super marrant, un peu improvisé, les dialogues ça se sent. Ouais. Et voilà, j'ai adoré Charlotte Lamel, pour lui dire son nom, qui est sa comparse, qui joue avec Delphine Baril. Mais il y a plein de gens qu'on adore. On avait reçu Émeric Lompré d'ailleurs, qui était lui, qui joue dans le film. Il y a une scène incroyable avec Émeric Lompré, il y a Dienne aussi, il y a Jonathan Cohen qui fait un petit rôle, il y a Ramzaoui aussi, il y a plein de gens, et c'est un mélange un peu de ces gens là et effectivement d'acteurs de la troupe de théâtre de Chiens de Navarre, de Meurice. Voilà, donc et tout le monde, c'est un peu trash, quand même, prévenir les gens. Moi je l'ai pas vu le film, mais j'avais vu son film d'avant, Orange Sanguine, où là c'est très trash. C'est moins trash quand même, parce que moi Orange Sanguine m'avait parfois, mais c'est ma petite comment on appelle ça, sensibilité, où des fois c'était trop trash pour moi. À la fin, il y a une scène très très trash dans celui-là. Okay. Mais après, c'est l'affaire Dupont de Ligonnès en blague, donc c'est normal que ce soit un peu trash. Mais c'est trash que t'attends pas de l'affaire Dupont de Ligonnès. J'ai hâte de voir. Mais il y a une scène trash, mais franchement, c'est hilarant. Mais surtout, ça joue tellement bien. Moi, ça m'a rendu fou de joie. Et c'est un moment où j'étais censé aller me coucher. J'ai démarré le film, j'ai pas pu m'arrêter. Trop bien. Et petit compte Insta, Alcide Dessine. En gros, c'est en une case, c'est très Fab Caro dans le délire. On a un petit peu plus, peut-être un petit peu plus trash. Et chaque case me fait mourir de rire. Comment tu l'écris ? Alcide, A-L-C-I-D-E. Ok. Dessine, très bien. Et le truc, c'est que je peux pas vous citer un dessin. C'est un poste, une case de BD, c'est très efficace. Et c'est bien. Un peu toujours la même mécanique. Et des fois, ça me fait rire quand quelqu'un a trouvé une bonne mécanique, qu'il insiste dessus. parce que quand c'est marrant. Donc, ça, je trouve ça très marrant. Voilà mes deux petits trocos. C'est très très bien. J'ai adoré personnellement. Maxime ? Alors, moi, je vais partir sur des docus. De docu, parce que on est très près du micro et ça sature. Hier, on a rigolé avec Maxime parce qu'il dit tu peux recommander La Couleur Jaune si tu veux et tout. Et lui, il me dit je crois que je vais recommander une crypto. Notre public, il sera très sensible, je pense. Il est fou de crypto, donc. L'eau. Le biome eau est très important dans ma vie. J'adore, il m'apaise et tout ce qui tourne autour de l'eau, bon, c'est super. Donc le premier docu, c'est un docu peut-être un peu connu, mais c'est de James Cameron, c'est Deep Sea Challenge, qui raconte comment il a été essayé de battre le record de profondeur avec un sous-marin. Mais ce qui est super intéressant d'un prisme, d'un point de vue cinématographique, c'est que je pense qu'il n'y a aucun autre documentaire qui permet de voir comment James Cameron travaille avec ses équipes. Il n'y a aucun meilleur behind the scenes de James Cameron, en fait. Parce que finalement, il ne dirige pas une équipe qui fait un film, il dirige une équipe qui est une mission de sous-marin. Ouais. Mais c'est exactement le même gars. Tu t'imagines très bien que le gars, ça va être le même sur Avatar 8. Donc du coup, qui est super d'ailleurs. Tu l'as déjà vu. Et donc voilà, donc Deep Sea Challenge, banger. Et c'est dispo sur. Faut voler, sur alors, si, moi, j'ai vu que c'était dispo sur internet. Ouais, c'est ça. Ok. Et l'autre, c'est pareil, c'est dispo sur YouTube gratuitement. Ça s'appelle The Sailor. Je l'ai trouvé grâce à l'algorithme YouTube. Très bien. Et en fait, c'est une personne âgée, vraiment une vieille personne, qui a voyagé toute sa life sur un. Il a jamais eu de maison, il a toujours été en train de voyager sur un voilier. Et il se trouve à la fin de sa vie et il peut plus voyager parce que son corps ne lui permet plus et son bateau est cassé comme Jaja et il attend la mort dans son bateau globalement. D'accord. Très fun, mais ouais, c'est bon mood. Ouais. Mais il est encore sur son bateau quand même. Ouais. Et il est quand même dans un environnement incroyable et tout le monde l'aide dans le port à essayer de repartir. Ok. Et j'en dis pas plus. Mais wow, ça a l'air bien. Ouais, c'est ouf. Ouais. Trop bien. Et donc ça par contre c'est dispo où? Sur YouTube gratos. Sur YouTube. Et Deep Sea Challenge, c'est de la VOD, donc c'est comme les pistolets en plastique. Vous, yes. Ça sur vos plateformes de VOD habituelles, voilà, en petite loque. Superbe. Très bien. Et puis quant à moi, alors moi c'est sur My Canal, c'est le dernier spectacle de Thomas VDB. Thomas VDB s'acclimate. Je l'ai vu. Alors, IRL moi. Ouais, ouais moi aussi. Ouais. Moi c'est Thomas VDB. Non, alors on l'a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission. Moi je l'avais pas vu en vrai son spectacle. Je suis trop content d'avoir pu le rattraper sur Canal+, surtout que c'est capté au théâtre du Châtelet, très beau théâtre. La capta est magnifique, c'est Xavier Mingon qu'on embrasse. Mais c'est vraiment très bien filmé, il y a du costume, il y a tout, enfin c'est une belle capta quoi, il y a pas d'autre mot à dire. Et moi faut savoir que Thomas VDB, j'étais ami avec lui sur Facebook pendant des années. Enfin, je le suis toujours sûrement, mais je vais plus sur Facebook. Et il commentait la température du soleil régulièrement. Alors dit comme ça, on. Il aime la chaleur. Mais ça aime de la chaleur et peut-être le truc le plus hilarant que je lisais de ma vie. C'est. On parle de la chaleur de dégénérer. C'était le terme qu'il employait parfois. Et donc là, c'est son spectacle qui parle d'écologie. Alors son spectacle, il est assez formidable parce que c'est peut-être un des. Il en fait une blague derrière son spectacle. Il dit c'est anxiogène parce que c'est sur le fait que la planète crame et que c'est une catastrophe et que voilà. Beau comique d'observation. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est hilarant. Alors moi, attention, je suis extrêmement sensible à la musique de Thomas VDB. Oui, donc oui. Oui, tous les trucs, les ruptures de rythme, les machins. Donc ça, moi, j'adore. Mais il a un clown évident et c'est ça qui fait plaisir. Ah, c'est mais quand moi, tu dis à ce gars-là, il est gaulerie. C'est ça. C'est très dur de vendre des vannes parce qu'en fait, c'est vraiment sa façon de les vendre. Enfin, les vannes sont drôles quoi. Bah, mais un truc, je sais pas. Si tu sais, c'est juste, je me dis, ça peut peut-être donner envie aux gens. C'est juste qu'il explique de manière très véhémente un jour qui ne prendra plus l'avion, qu'il faut être un connard pour prendre l'avion et quelqu'un, et en fait il se retrouve pour une association pour des enfants trisomiques, à devoir prendre l'avion et il se fait croiser par quelqu'un à l'aéroport qui lui dit vous aviez pas dit que tu vois, et du coup non mais c'est pour des trisomiques, il doit se justifier de ça. Et il y a un autre sketch qui pour le coup n'a rien à voir avec l'écologie mais qui moi m'a fait pleurer de rire, où il parle de l'application Kidigo. Oui. Et l'application Kidigo, c'est une appli où tu laisses ton enfant à un gars qui prend le même train que ton gosse. Okay. Donc tu laisses ton gosse à un parfait inconnu. Wow. C'est un vrai truc qui existe. Okay. Et le mec est noté et donc il fait toutes les blagues possibles et imaginables autour de ça, et c'est vraiment mais hilarant. Vraiment. Et en plus il fait des callbacks et tout, bref c'est coécrit. Alors il l'a écrit, il l'a coécrit avec Audrey Vernon et Bruno Muschio, pareil, qu'on aime beaucoup ici. Et donc voilà, c'est très très drôle. Moi j'ai passé un super moment dans le spectacle. Encore une fois, des fois ça fait une petite nœud à l'estomac quand même, parce que c'est des trucs vraiment badants, mais en même temps c'est très très très très drôle. Et il est trop fort quoi. Oui, tu ressors quand même de bonne humeur. Ah bah oui, hein, ce qui n'est pas le cas marrant. Du spectacle de Panayotis par exemple. Moi je suis sorti plus triste après, mais c'est pas pour ça que c'était pas bien. Ouais, bien mais sûr. Je suis sorti plus triste. Alors de ma VDB, je suis sorti et quand en souriant. Tu t'es vraiment marré, ouais, et puis il a plein de running gags qui bouclent, etc. Ouais, etc. C'est donc, trop marrant. Thomas VDB s'acclimate, c'est sur MyCanal, c'est très très très marrant, et n'hésitez pas à sauter dessus. Et les gars, merci beaucoup. Bon, merci à vous. C'était trop plaisir, on est trop contents, c'était trop bien. Toujours la chaîne YouTube. Voilà, oui. Vous postez encore régulièrement. A priori. Voilà. Attends, on te montre un extrait. Thomas, donc le spectacle. Ah bah très bien, il y a un costume un sublime. Un extrait photo. La vidéo de dimanche. Il y a pas de. Donc voilà. Juste ça. Thomas, le spectacle. Donc encore, comme j'ai dit, il y a quelques rares places pour le Zénith de Lille. Pour la dernière. Ça va être sublime quand même. Zénith de Lille, pour finir, parce que tu viens de là-bas et tout. Ouais, ça va être super. T'appréhendes ou t'es juste dans le pur kiff de c'est fini, ça va être la fête. J'ai un problème avec le Zénith de Lille, c'est que. En fait, j'ai fait un autre Zénith dans la tournée, le Zénith de Caen, et je n'ai rien rajouté au spectacle ce jour-là. Ouais. Et c'est une de mes dates préférées, alors que tout le monde tu sais, le Zénith, on te fout une pression de c'est plus dur, etc. Il y a eu des dates dures, il n'y a pas de problème, mais celle-là, tout a roulé et j'ai rien rajouté au spectacle. Là, au Zénith de Lille, j'ai préparé plein de surprises, enfin plein. Des petites surprises. Où il y aura Maxime, quoi, d'accord. La présence de Maxime, ça les gens le savent. Je compte mettre Maxime un peu dans la merde au Zénith de Lille, mais on en reparlera. Okay. Me fais pas ce regard, on en reparlera. et du coup, je me dis, il y aura un côté kermesse. Ouais. Que je pense les gens vont aimer. Ouais. Mais est-ce que j'avais pas mis trop de petits trucs à la con. Donc je suis en train de peut-être de rétro-pédaler. Tu le vends bien en tout cas. On s'en fout, les places sont quasi complets. C'est ce qui est marrant que quand le podcast sort, il y a beaucoup de remboursements. Ouais. Ah non, mais ça va être géant. Ouais, trop bien. Ça va être un pur délire. Et si vous êtes à Paris, c'est vraiment une heure de train à Lille. Donc vous pouvez aller voir le spectacle à Lille, revenir. Oui, mais bien sûr. Comme aller en banlieue, quoi. De toute façon, ça a été un grand succès. Ce spectacle, bravo. Merci beaucoup. Et puis merci trop d'être venu, les gars. À très vite, Adrien. De l'écriture, ça bosse, un peu de repos, oui. Et ça fait plaisir. Oui. Et j'ai toujours ça de prix. Voilà. Bon, merci tout le monde. Salut. Ciao. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.